Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette mosaïque. Mosaïque de bonnes et moins bonnes nouvelles. Hein, bah oui, c'est comme l'actualité. Il se passe normalement plein de bonnes choses, mais on ne les sait pas toutes. Et puis il se passe énormément de choses désagréables et on est obligé de se les farcir. Hein, comme dirait ma grand-mère, c'est la vie, mon vieux. Hein, ben oui, c'est la vie. C'est la vie. Ouais. Ça devrait être autrement quand même. Alors, au programme de ce soir, ben, une revue de presse. Ensuite, Viktorovitch nous parle de Julie Graziani. Hein. Ensuite, on parlera du cyanure dans les lacrymos. Hein, les gaz lacrymogènes utilisés par la police contiennent du cyanure, qui est un poison, un des poisons les plus violents qui puisse exister. Hein. Alors, même à très petite dose, il est toxique à court, moyen et long terme. Alors, il sera question de ce gaz, du cyanure qu'il contient. Jérôme Rodriguez, gilet jaune, va nous parler de ce qu'il pense, hein, sur le samedi 16-9 à Paris. Il faut dire merci aux gilets jaunes. C'est Jean-Luc Mélenchon qui nous dira pourquoi il faut dire merci aux gilets jaunes. Eh oui, tout à fait. Ils se battent, eux. Interview. Yvan Le Bolloc nous donnera son opinion sur les événements actuels, récents ou moins récents. Ensuite, Adrien Quatennens nous dira que le chômage tue. Hein, le chômage tue. Et puis, à l'Assemblée nationale, il fera une déclaration aussi en tant que député de la France insoumise où il dira... Nous manifesterons le 5 décembre. Nous manifesterons le 5 décembre, les insoumis. Voilà, et il expliquera pourquoi. En quelques minutes, 2 minutes et 3 secondes. Vous voyez, Adrien Quatennens, il a l'habitude de parler peu, mais de dire beaucoup de choses avec peu de mots. Beaucoup de choses avec peu de mots. Et on peut vérifier tout ce qu'il dit. Tout est vrai. Eh oui, ça existe, des hommes politiques utiles, qui parlent vrai, qui parlent juste, qui parlent sincère, qui sont constructifs. Voilà. Alors, bonne soirée et bonne nuit, et puis à la semaine prochaine. Alors, je vous propose une petite revue de presse. Commençons par un tract du réseau contre le nucléaire, agir pour la sortie du nucléaire. Depuis plus de 20 ans, le réseau sortir du nucléaire combat le nucléaire sur tous les fronts. Au quotidien, nous travaillons à dévoiler les scandales de la filière, à favoriser la mobilisation et à faire condamner en justice les industriels délinquants. Le réseau est une association de 100% indépendante. Notre lutte n'est possible que grâce au soutien de nos sympathisants et donateurs. Avis à la population. Il n'y a qu'en France que ça continue. Partout dans le monde, l'industrie nucléaire recule. Elle ne représente plus que 10,15% de l'électricité produite contre 17,5% en 1996. Et le Brésil, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni ont généré plus d'électricité renouvelable que d'électricité nucléaire en 2018. La France, quant à elle, semble s'entêter dans la relance de son industrie moribonde. Avec le soutien de l'État, l'industrie nucléaire jette ses dernières énergies dans une fuite en avant qui passe par la prolongation de centrales en fin de vie, ainsi que par des projets et chantiers dangereux et inutiles. En octobre dernier, Le Monde a même dévoilé une lettre du gouvernement demandant à EDF de se mettre en ordre de bataille pour construire 6 réacteurs EPR. Alors, c'est ici que nous devons agir. Agir pour demander la fermeture des installations nucléaires vieillissantes. Agir pour empêcher l'EPR de Flamanville d'entrer en service puisqu'il doit être rafistolé avant même de démarrer. Agir pour que nos élus refusent, au masculin, féminin, refusent l'implantation de projets nucléaires sur leur territoire, miroir aux alouettes, n'important que pollution et ruine à long terme. Agir pour défendre la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables comme solutions les plus pertinentes au réchauffement climatique. Seul votre soutien nous le permettra, votre don favorisera la poursuite de notre action et celle de tous les collectifs qui se mobilisent à nos côtés. Voilà, donc un grand merci d'avance pour votre soutien, l'équipe du réseau Sortir du Nucléaire. Donc vous tapez Sortir du Nucléaire et vous aurez la marche à suivre pour faire un don de 25, 40, 60, 100 euros ou autre. Et si vous faites un don de 25 euros, bien en fait, il ne vous reviendra qu'à 8,5 euros, parce que la différence, ben, c'est l'État qui la payera. Ah oui, pour tous les dons, il y a, bon voilà, une remise, disons. 40 euros, eh bien, ça vous reviendra à 13,60 euros. Si vous faites un don de 60 euros, ça ne vous coûtera que 20,40 euros. Et si vous faites un don de 100 euros, en fait, ça sera comme si vous aviez fait un don de 34 euros. Parce que l'État, c'est-à-dire le contribuable, donnera la différence. Eh oui, c'est légal, c'est comme ça, c'est très bien. Eh oui. Ensuite, il faut une convergence des luttes. Alors ça, c'est le Vosges Matin de vendredi 15 novembre 2019. Il faut une convergence des luttes. Eh ben oui, mais bien sûr. On le sait, ça depuis un certain temps. Enfin, on est un certain nombre à savoir depuis un certain temps qu'il faut une convergence des luttes. Les Gilets jaunes, un an de violence, écrit-on dans le journal du 15 novembre 2019. Oui, en dessous, il y a un autre titre, proche d'une révolution. Alors, en dessous, il y a écrit aussi, une main arrachée sans regret. Quand on lui demande comment ça va, Antoine Boudinet fait une réponse culottée. Elle n'a pas repoussé, lance-t-il dans un sourire avant de dire que oui, ça va. Ce Bordelais de 27 ans a perdu sa main droite lors de l'acte 4 des Gilets jaunes. Il voulait écarter ce qu'il pensait être une cartouche de gaz lacrymogène, mais qui était en fait une grenade GLIF4 qui contient 25 grammes d'explosifs. Voilà. Ouais. Mauvais réflexe. Confie-t-il. Concède-t-il ? Oui, bien sûr. On peut toujours avoir des mauvais réflexes quand on est face à des gens qui sont complètement déboussolés. La police, elle perd les pédales complètement. Le gouvernement, il est complètement affolé. Complètement. Il ne croit qu'à la violence. Autre chose, vendredi 15 novembre, toujours, un inspecteur pédagogique tout juste retraité publie une biographie plein de surprises sur Gaston Bachelard, natif de Bar-sur-Aube dans le 10, qui a débuté à la poste à Remiremont, avant de former des générations de philosophes. Gaston Bachelard, postier de Remiremont, devenu philosophe. Oh, il était déjà philosophe, mais il est devenu philosophe, on dirait, professionnel, et il en a fait son métier. Voilà. La rêverie stimule le désir et la volonté de savoir, disait-il, pensait-il. Voilà. Eh bien, le lycée de Béchamp, anciennement de Béchamp, a failli s'appeler lycée Gaston Bachelard. Ouais. On a préféré Malraux, mais bon, voilà. Allez savoir pourquoi. Vous avez autre idée, hein? Oui, ben moi aussi. Coût de la vie étudiante, au boulot, après les cours. Pour faire face au coût de la vie de très nombreux étudiants de Lorraine, tel Lota Verrier à Nancy, sont contraints d'exercer des petits boulots pendant leur année scolaire. Objectif, payer le loyer pour poursuivre leurs études. Voilà, ben oui, on est un pays moderne en France. Oui, tout à fait moderne. Oui. Beaucoup de chômeurs, beaucoup de misère, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et les gens, ils continuent à voter bête. Ils continuent à voter bête. Ah oui, il faut pas voter avec son, hein. Non, faut voter avec le bout de son pied. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas du tout le même effet. Imaginez qu'en 1789, les gens se soient dégonflés. Ben, on serait encore en royauté. Bon, on aurait vachement perdu, hein. Enfin, pas tant que ça, pensent certains en regardant dans la direction de Monsieur Macron et de son équipe. Ben oui, c'est vrai que, ouais. On est en République, oui. Enfin, apparemment, on est en République. On vote de temps en temps pour prolonger une République qui n'est plus tellement républicaine. Un séisme secoue Strasbourg et sa région à plusieurs reprises. Un séisme de magnitude 3,3 sur l'échelle ouverte de Richter s'est produit ce mardi 12 novembre près de Strasbourg. Alors, c'était le mercredi 13 novembre 2019. RAS à Fessenheim. Il s'est rien produit à Fessenheim. Non, mais les autres centrales de la vallée du Rhône ont été quelque peu arrêtées. Et puis, est-ce qu'elles sont redémarrées? Ça, on ne nous a pas dit. Bon, il y aura bien un truc, un incident atmosphérique quelconque qui fera que les journalistes parlera d'autre chose. Eh oui, il y a toujours un petit sujet imbécile qu'on peut développer pour éviter de parler des choses sérieuses. Eh oui, parce que si les lecteurs se mettent à devenir malins, c'est embêtant pour les gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir politique, mais ceux qui ont le pouvoir économique aussi, parce que ces gens-là marchent la main dans la main, forcément. Ils ont besoin les uns des autres. Pour être élu, il faut de l'argent pour financer les campagnes électorales, acheter les journaux, etc., etc. Et puis, une fois qu'on est élu, ben, faut renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont financé la campagne. Voilà. Alors la droite soutient la droite, qui elle-même soutient la droite. Et puis tout ça, ben, sur le dos des gens qui ne sont pas assez adroits pour être riches. Séisme et centrale nucléaire, les questions que l'on se pose. Au lendemain du séisme en Ardèche, les interrogations autour de la sûreté des centrales sont nombreuses. Associations et élus réclament des informations de la part d'EDF. Stéphane Brasseur, directeur de la centrale Cruas-Metz, y répond. Voilà, un seul capteur de mesure sismique s'est déclenché à Cruas. Ah bon, ben c'est peut-être que les détecteurs en question ils sont pas très sensibles, hein. Peut-être que c'est exprès même. on peut tout imaginer. La voiture reste intouchable. Partie d'une fronde de la taxe sur les carburants, le mouvement des Gilets jaunes a démontré que la voiture était indispensable à l'immense majorité des Français. Un an plus tard, les pouvoirs publics n'envisagent plus de taxer le véhicule en dehors des infractions, ni de réduire sa place. Vous voyez, on va taxer beaucoup d'infractions, le plus possible d'infractions, voilà. Alors Thierry Breton, Parlement européen, première étape franchie pour Thierry Breton. Ouais, eh ben nous voilà, chouette. Enfin, les radars touchés mais pas coulés. Bon, on verra bien. Deux caporaux du premier air-tir se sont illustrés au Mali. Alors, premier air-tir, c'est le premier régiment de tirailleurs d'Épinal, qui s'appelait 21e régiment de tirailleurs algériens avant la guerre et pendant la guerre, hein, ouais, qui s'est battu notamment à Inor, par exemple, dans la Meuse. Ouais. Beaucoup de morts pour... enfin. Chavelot, plus qu'un livre, une invitation à découvrir la forêt. Voilà. Alors, retour sur la vie d'Aristide, héros durant la guerre. Voilà des articles à lire. Ah oui, oh, mais le temps qu'on passe à lire le journal, à regarder la télé, ben, les journées sont trop courtes. Hein. Eh oui, on a même plus le temps d'agir, tellement on passe de temps à s'informer et à réfléchir. Eh oui, voilà. Ensuite, ben, on peut regarder encore une ou deux pages du journal. Un sapin de haut de 9 mètres lance les fêtes de fin d'année. C'était où ça? Eh ben, c'est à Remiremont. C'était le 13 novembre. Voilà, il y a un beau sapin. Mon beau sapin, roi des forêts. Et roi de la rue principale, la rue commerçante, la rue Général de Gaulle, à Remiremont. Anne Girardin candidate à plus de démocratie locale. Voilà, en mars 2020, Anne Girardin se verrait bien gagner la mairie du Val d'Ajol. Ensuite, voilà, et puis, qu'y a-t-il encore de nouveau? Enfin, de nouveau ou d'un peu ancien, hein, parce que vous avez remarqué que bien vite presse, je l'ai fait avec des journaux qui datent d'une semaine, 2 semaines, 3 mois, 2 ans des fois. Voilà. Ça permet de comparer, de voir dans l'espace-temps les choses, comment elles s'échelonnent, comment les événements se suivent et ne se ressemblent pas, ou parfois se ressemblent étrangement. Les risques forestiers et la maladie de Lyme. Alors c'était une conférence qui avait lieu à Charmoix-Longueuil. Quand fera-t-on une conférence comme celle-là à Remiremont? David Pujadas s'intéresse à la liberté d'expression. Oh, ça c'est bien. Ça c'est une prise de conscience. Hein? Eh oui, conscience. Ouais. La magie de Notre-Dame a disparu. Magazine. Thibault Marchand, réalisateur du documentaire La priorité est la dépollution. Le plomb fondu s'est transformé en particules invisibles. Il faudra tout nettoyer. C'est un boulot de titan, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui était couverte de plomb. Ben, les gens, de toute façon, ils respiraient des particules de plomb, d'oxyde de plomb, de sulfure de plomb, qui s'échappaient de la toiture, et puis qui descendaient gaiement, doucement dans les rues, et puis ça descendait jusque dans le nez, les bronches, les bronchioles, et les alvéoles pulmonaires, et puis le système sanguin, etc. Des gens, des braves gens, des braves contribuables, des braves parisiens et autres, des touristes, etc., enfin de la population de Paris. Et d'ailleurs, parce que le vent trimballe les particules légères, ben, le vent il peut les trimballer très loin. Le cri de colère des salariés de l'Adavi Remiremont, à l'appel de la CFDT. Tiens, la CFDT, elle existe encore. Je croyais que c'était un vrai syndicat, moi, il y a 30 ans. Et depuis, j'ai changé d'avis, bien sûr. Hein? À l'appel de la CFDT, une vingtaine de salariés de l'Adavi, essentiellement du secteur de Remiremont, ont manifesté ce mardi devant les locaux du siège à Épinal. Ils se plaignent, entre autres, de leurs conditions de travail et d'un manque de concertation. La direction évoque, quant à elle, un coup de pub syndicale. Ah, la pub syndicale. Il fallait inventer cette expression-là, la pub syndicale. Ils sont pas honteux, ces gens-là, d'écrire des bêtises pareilles. Ben non, parce que ça rapporte, hein, ça leur rapporte à eux. Ça nous coûte à nous et ça leur rapporte à eux. 5 mois de répit pour les locataires fragiles. Locataires fragiles. Je crois que c'était les logements, bon, parfois qui étaient fragiles. Vous savez, les murs qui fissurent, ben non, non, c'est les locataires qui sont fragiles. Alors que les températures ont commencé à chuter, la trêve hivernale a commencé début novembre. Malgré cette mesure de protection pour les locataires, certaines associations s'inquiètent de l'augmentation constante du nombre d'expulsions. C'était début novembre. Hein, c'est-à-dire, c'était le 12 novembre. 12 novembre. Nous sommes le 25. Le 25 novembre, la Sainte-Catherine. À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Eh oui, ben les locataires, ils ont des fois des problèmes. Eh oui, et on est un pays où il y a beaucoup plus de problèmes que de solutions, hein, vous avez remarqué. Eh oui, ben peut-être que quand on vote, on réfléchit pas suffisamment avant de voter. On réfléchit beaucoup après avoir voté. Eh mais c'est trop tard. C'est avant qu'il faut réfléchir. Avant. Ah oui, ben oui, parce que avoir voté pour, on va pas aller remonter d'un siècle, mais avoir voté pour Chirac, avoir voté pour Hollande, avoir voté pour Sarkozy, avoir voté pour Macron, eh ben ça fait pas du peuple français le peuple le plus intelligent de la Terre, hein. Ah ben non. la vallée du Rhône secouée. Alors, 11h52, la quiétude de ce 11 novembre est brisée par un séisme de magnitude 5,4. 5,4, ce n'est pas rien. Son épicentre, le Teil, alors tout un village qui était en partie détruit, et puis les centrales nucléaires autour, qu'il a fallu ralentir ou arrêter. La centrale nucléaire de Kuhlsmes, par précaution, EDF a décidé d'arrêter les 3 réacteurs en activité. Arrêter les 3 réacteurs en activité. Alors, vous voyez, j'avais commencé avec le nucléaire, hein, et ben voilà, on est revenu avec on est revenu au nucléaire à cause des séismes. Et séisme qui serait dû vraisemblablement à une carrière. Une carrière des plâtres Lafarge, plâtre et ciment Lafarge, ouais, qui avait déjà fait parler d'eux là-bas en Syrie, vous savez, ils avaient payé. Enfin bref. Bon. Centrale du Tricastin, la peur d'un Fukushima. Ah, peur d'un Fukushima. Tiens. Voilà. Eh bien, on va rester là parce que de toute façon, des bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va quand même pas se farcir que des mauvaises nouvelles. Salut Clément. Bonsoir à tous. Alors je préviens les âmes sensibles, Clément, tu vas nous parler d'un personnage. Un personnage, en effet, Julie Graziani. Alors, on l'a découverte aujourd'hui par une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Julie Graziani, elle est éditorialiste au magazine L'Incorrect, qui a été fondée par des proches de Marion Maréchal Le Pen. Elle était invitée hier de l'émission 24 heures Pujadas, et on a pu voir notamment cette séquence. Je trouve que les aides ne sont pas attirées quand on est tout seul avec deux enfants, en fait. Je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé, peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Mais oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Bien payé. Non mais peu importe, je veux dire à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre. On est solidaire d'horreur, là. Hein. Ouais. On est solidaire d'horreur. Et donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est chroniqueuse au magazine L'Incorrect. On va y revenir, ça a son importance. Moi, j'aimerais prendre au sérieux l'argumentation de Julie Graziani pour une raison simple, c'est que le fond de son argumentation est clair. Les individus sont intégralement responsables de leur sort, de ce qui leur arrive. Donc, tu es payé au SMIC, c'est ta faute. Tu n'avais qu'à bien travailler à l'école. Tu es mère célibataire, c'est ta faute. Tu n'avais qu'à pas divorcer. C'est ton mari qui t'a quitté. Formidable. Peut-être, c'est de ta faute quand même. Et comme c'est de ta faute, la société ne te doit rien. C'est à toi de te débrouiller. Ce qu'on voit là, c'est une idéologie claire, une idéologie radicalement libérale. Or, la radicalité, c'est justement ce qui caractérise Julie Graziani. Regardez ses autres prises de position. L'avant-garde, c'est nous. L'arrière-garde, c'est les autres. Hein. Les revendications d'avortement et d'euthanasie, ça, c'est des revendications d'arrière-garde. Sur le fond, si je vous donne mon avis, moi, je serais contre le droit de grève dans la fonction publique. Vous savez que 96% des bébés diagnostiqués trisomiques sont avortés avant leur naissance. Pour vous, c'est de la discrimination, ça? Bah, totalement. Ça vous viendrait l'idée d'avorter un bébé parce qu'il est noir, vous voyez. Enfin, c'est horrible de le faire parce qu'il est trisomique. Mais c'est la même chose quand même. Être noir n'est pas un handicap. C'est du racisme chromosomique. Alors, si on résume, Julie Graziani est contre l'avortement, soit. Elle est pour l'abolition du droit de grève dans la fonction publique, tout de même. Et enfin, elle est prête à une analogie dans laquelle elle compare les bébés noirs à des bébés trisomiques. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait dans la trisomie? Elle est donc éditorialiste au magazine L'Incorrect, on va y revenir. Bref, elle fait la promotion d'idées radicales. Et moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus, parce qu'on est face, selon moi, à une véritable stratégie. Et pour le comprendre, on a besoin d'un concept qui est un concept crucial, qui est celui de fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est un concept qui a été forgé par un lobbyiste américain, Joseph Overton. Ça désigne le spectre du dissible dans l'espace public. Au fond, l'idée de la fenêtre d'Overton, c'est qu'il y a un ensemble d'opinions qu'on peut assumer dans les médias, en public, sans être immédiatement disqualifié. Ce qu'il y a derrière, et ça c'est important, c'est que cette fenêtre, on peut l'élargir, on peut travailler à l'élargir progressivement. Et en élargissant la fenêtre d'Overton, une idée qui semblait auparavant radicale, extrémiste, excessive, elle peut soudain sembler parfaitement modérée au regard d'une autre idée nouvelle qui serait plus radicale encore. Or, souvenez-vous, Julie Graziani, elle est, on l'a répété, éditorialiste au magazine L'Incorrect, fondée par des proches de Marion Maréchal Le Pen. C'est important. Marion Maréchal Le Pen, elle a conceptualisé, elle le dit clairement, l'idée de combat culturel. L'idée qu'il faut d'abord influencer l'opinion publique avant de pouvoir ensuite gagner des élections. Et pour cela, ils ont une stratégie très claire. On utilise des éditorialistes, des francs-tireurs qui vont écumer les médias, écumer les plateaux de télévision pour déverser des opinions outrancières, le plus outrancières possible. Donc on élargit la fenêtre d'Overton. Et par comparaison, les positions de certains responsables politiques, par exemple Marine Le Pen, par exemple Marion Maréchal, ou d'autres, les propositions de ces responsables, qui étaient naguère jugées choquantes, paraissent tout d'un coup raisonnables. Et c'est exactement le rôle que joue ici Julie Graziani. Donc, il ne faut pas être naïf. Nous n'avons pas ici affaire à des dérapages, pas du tout. On a affaire à une stratégie coordonnée de conquête du pouvoir. Bien sûr. Bien sûr. On retourne à une société avec des hommes et des femmes supérieurs qu'avait fait le grand succès de Hitler et qu'il arrivait là où il est arrivé. Comme ça, ça a commencé toujours avec des discours dans les années 20, 25 jusqu'à 30. Il a pris les pouvoirs et après il a fait ce qu'il a voulu. Il a détruit le monde jusqu'à faire des camps de concentration. Voilà. Et c'est le même discours qui commence. Et ce qui est triste, c'est que il n'y a pas toujours une sorte de critique de la presse derrière ces discours-là. Pour dire, voilà, ils ont dit ça, mais il va y avoir quelqu'un comme vous qui explique par la suite les discours qu'il faut. Comme on l'a entendu le dernier temps sur le voile, sur tout ça, tout d'un coup, on fait un discours énorme et derrière viennent Madame Marine Le Pen, qu'il faut jamais oublier comment elle commençait avec son père, jeune femme, et qui était déjà le racisme. D'abord, l'Algérie française. Ils sont trompés tout le temps. L'Algérie française. Eh ben, mais là, ils ont fait marche arrière parce qu'ils ont perdu. Et puis, il y avait d'autres idées aussi qu'ils ont fait marche arrière. Ils voulaient pas l'euro. Mais là, ils veulent l'euro. Ils voulaient pas l'Europe. Mais là, ils veulent l'Europe. Au fur et à mesure, ils essayent à grignoter peu à peu, à convaincre le peuple pour dire que nous sommes des gens comme tout le monde. Non, ils sont pas des gens comme tout le monde. Thank you. ce nouveau format d'interview, je vous accueille dans le QG du Sanglier, au bord du lac de Saint-Cassien, dans le Var, loin du stress des grandes villes et des plateaux télé. Aujourd'hui, nous discutons avec Alexander Samuel, l'homme qui enquête sur les gaz lacrymogènes. Vous trouverez plusieurs images d'inserts, il faudra faire pause pour bien les consulter ou aller fouiller dans les sources disponibles dans la description de cette vidéo. Ok, bon bah, salut Alex. Salut. Merci d'être là. On est un peu mieux que dans les studios parisiens là, non? Ouais, carrément. Il y a un joli soleil. Bon, le hasard des choses fait que nous, on se connaît depuis un bon moment, depuis une douzaine d'années, on est un peu potes. Donc du coup, on s'est retrouvés au milieu des Gilets jaunes et toi, tu vas nous raconter un petit peu le travail que tu as effectué par rapport à tes recherches de cyanure dans les gaz lacrymogènes. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça et qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher du cyanure, s'il y avait du cyanure dans ces gaz lacrymogènes? Ouais, alors globalement, j'ai entendu parler de la rumeur dans la presse vite fait, un peu comme tout le monde, peut-être en février. Il y avait une Raquel Garrido là, qui s'était plaint qu'elle avait eu des symptômes bizarres. Toi-même, au départ, tu es professeur en biologie moléculaire, c'est ça? Ouais, je suis docteur en biologie moléculaire. J'ai arrêté la recherche. J'avais envie d'avoir une certaine indépendance, on va dire. Donc, j'ai continué à lire les travaux de recherche, à faire des boulots d'information. Hein. Je regardais le glyphosate, les choses comme ça. Mais j'ai choisi d'être prof à côté, donc prof de maths sciences en lycée pro. D'accord. Donc là, c'est pas un hasard, quoi. La biologie et le fait de pouvoir faire des analyses comme ça, c'est quelque chose que tu maîtrises, que tu connais? C'est quelque chose que je maîtrise, que je connais. J'ai fait un doctorat pendant 3 ans. J'ai bossé sur la souris, j'ai fait des trucs avec de la radioactivité. J'ai étudié le cerveau, la biologie moléculaire du cerveau. Donc du coup, tu t'es mis en tête d'aller vérifier par toi-même s'il y avait du thiocyanate dans les gaz lacrymogènes, c'est ça? Ouais, alors du coup, au début, je croyais que c'était une fake news, hein, parce que je me suis dit, thiocyanate, c'est un dérivé du cyanure. Et ça tient à peu près 2 semaines, 1 mois. Dans le sang et dans les urines. Donc on peut le retrouver dans le sang et dans les urines pendant longtemps. Et je me suis dit, bah, vous me filez un résultat. C'est un résultat unique, ça ne veut pas dire qu'il y en a partout. Et rien ne me dit que la personne n'a pas été exposée au cyanure à un autre moment, qu'elle a beaucoup fumé de clope. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est un niveau qui était 3 fois le niveau normal du fumeur. Donc même si elle fume des clopes, ça ne suffit pas pour l'expliquer. Elle a peut-être essayé de se suicider. Elle a peut-être pris du cyanure comme un suicidaire, ou elle bosse en industrie où il y a du cyanure. Et alors, à partir de là, après, tu t'y es pris comment? T'as mis en place un protocole pour aller vérifier tout ça, pour avoir... Alors au début, avant de faire un protocole, je me suis documenté. Je me suis dit, est-ce que les gaz lacrymo, déjà, on peut raisonnablement se dire que ça fait du cyanure? Ou est-ce qu'on peut raisonnablement se dire qu'il y a du cyanure dedans? Donc une raison, ce serait que le gouvernement soit complètement fou et planque du cyanure dans les gaz lacrymo et veuille nous tuer. Ça m'a paru un peu absurde comme théorie quand même. Je me suis dit, l'autre possibilité, c'est qu'on n'ait pas bien étudié le gaz, ou qu'il ait été étudié, mais qu'on n'en tienne pas compte. Et c'est effectivement le cas. Dans les années 70, il y a des vieilles études où on a montré que ça faisait du cyanure. On a eu des études jusqu'en 2013 qui l'ont montré. Même en 2013, on a refait encore ces expériences. Et on a montré que ça faisait du cyanure. Et surtout, quand on commence à avoir des résultats de thiocyanate élevés, on se dit, peut-être que ça vient bien de là. Et donc, on a commencé à dire aux gens, bah écoutez, pour l'instant, on soupçonne un truc. On n'en est pas encore à l'affirmer. Mais si vous avez été exposé au gaz, balancez-nous des résultats thiocyanate. Comme ça, si on les reçoit, si on a des résultats thiocyanate, on peut se dire, s'il y en a 10, 20, 30, il y a peut-être quelque chose. Et au bout de quelques résultats thiocyanate, 5, on a commencé à nous dire, ah non, mais le labo ne veut pas me filer la feuille de résultat. Non, le médecin ne veut pas me filer d'ordonnance. Non, il y a ça qui bloque. Non, il y a ça qui bloque. Là, on s'est dit, est-ce qu'on est parano? Est-ce qu'il y a un problème avec le... Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Ou est-ce que c'est... On a essayé de trouver des explications rationnelles. Donc je donne une explication rationnelle simple. Un gilet jaune, il est méprisé souvent par son médecin. Pas toujours. Donc le médecin qui voit un gilet jaune débarquer, qui lui dit il y a du cyanure dans les lacrymos, il va rigoler. Il va l'envoyer bouler. Et c'est pour ça qu'il va pas lui faire l'ordonnance. C'est pas nécessairement un complot. De la même façon, un labo qui donne pas son résultat au patient, c'est illégal. Mais parfois les labos ne veulent donner le résultat qu'au médecin pour que le médecin interprète le résultat. Donc on a essayé d'être rationnel, de pas trop partir sur des folies non plus. Mais on s'est dit, ouais, il y a quelque chose. En faisant nos appels au thiocyanate, ça a été publié dans la presse, et là il y a des toxicologues qui nous ont dit, dans la presse, hein, par presse interposée, il n'y a pas de cyanure, circuler, il n'y a rien à voir, on peut monter à 20 mg par litre, il n'y a aucun souci, et qui nous ont vraiment envoyé bouler. Et là ça m'a un peu énervé, je les ai appelés, et au téléphone ils ne me disaient pas la même chose que dans la presse. Et là ça m'a un peu dérangé. Et par contre, ce qu'ils nous disaient, et ce qui est vrai, ce que j'ai dit aussi, c'est que les thiocyanates ça tient longtemps, et si on veut prouver quelque chose, il faut montrer qu'il y a du cyanure directement. Le cyanure, il tient que 30 minutes. Donc, tu as 30 minutes pour le détecter. C'est pour ça. Et donc là, intervient la partie terrain de ton opération. Donc, je ne suis pas parti direct sur le terrain. Je me suis déjà dit, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut vérifier le cyanure? Donc, classiquement, tu vas à l'hôpital, tu fais les niveaux de cyanure, donc prélèvement sanguin, etc. Donc, le temps entre le moment où tu es nassé Le moment où tu vas à l'hôpital, où les gens ils t'envoient chier parce que t'es un gilet jaune et que t'attends 3 heures, hein, voilà, c'est impossible. Voilà, parce que donc on va rappeler, donc en fait pour pouvoir donc faire tes prélèvements et essayer de voir s'il y a du cyanure dans les 30 minutes, donc c'est 30 minutes à partir du gazage en manifestation. Exactement. Donc il faut être dans la manifestation et il faut pouvoir faire les prélèvements tout de suite après. Ouais, voilà, t'as 30 minutes entre le moment où tu te fais gazer. Alors j'exagère un peu, peut-être qu'en une heure ou deux heures t'as encore quelque chose, mais idéalement c'est dans les 30 minutes. Faut que tu arrives à l'hôpital ou quelque part où on puisse te faire un prélèvement. Et donc, moi je me suis dit, là, ça va être chaud. Donc j'ai regardé un peu chez les scientifiques, un peu ce qui est sorti récemment. Et j'ai eu du bol, je suis tombé sur un scientifique suisse qui a publié dans le plus grand journal scientifique du monde, la Royal Society of Chemistry, un test révolutionnaire qui est comme un alcotest, mais pour le cyanure. On peut tester directement si on a du cyanure dans le sang en achetant un kit à 15 balles. Et comment on peut faire pour vérifier avec ce kit? Il est en vente libre. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour l'utiliser, ce truc? Et il me dit, le médecin me dit, on va voir si on peut faire un cadre légal pour faire ça. Et il me propose d'y passer le week-end. Donc il a regardé un petit peu. Et il lui a dit, bon, on va faire ordonnance, consentement éclairé. On va faire un protocole vraiment carré, où on va faire un prélèvement avec du matos stérile, tout est organisé. Et on va aller en manif et on va dire aux gens, si vous vous faites gazer, si vous voulez savoir si vous avez du cyanure dans le sang, nous, on est là, vous venez nous voir. On fait un prélèvement et on mesure le niveau de cyanure. On est allé en manif et puis on a fait les analyses donc en suivant ce protocole. Et donc on faisait les premiers soins d'abord. Donc on leur mettait un peu de malox ou de pshit sur la peau, etc. pour soulager la douleur. On leur demandait si ça allait. Un médecin anesthésiste réanimateur, donc qui est quand même spécialisé dans le domaine, regardait si la personne était en état. On faisait le consentement, le prélèvement et moi je faisais l'analyse. Moi, j'ai jamais touché un patient parce que je suis pas médecin. Je suis docteur en biologie, c'est-à-dire que je sais faire de la recherche, j'ai manipulé un truc, un kit, mais je sais pas faire un prélèvement sanguin. Moi, je sais pas faire. D'accord. Donc voilà, on a fait les analyses et on a eu un résultat mitigé. C'est-à-dire que j'avais demandé au fabricant si on voyait, parce que lui, c'est une dose mortelle qu'il mesure. Donc je lui ai dit, on n'a pas des milliers de gilets jaunes qui meurent là. Hein. Et je lui ai demandé si on voyait une dose pas mortelle. Et il m'a dit, ouais, un petit changement de couleur. Donc on l'a fait avec un petit changement de couleur, donc on a regardé, moi j'étais pas convaincu. Honnêtement, j'ai regardé, j'étais là, bof. J'ai fait une photo haute résolution, je l'ai envoyé au fabricant, qui m'a lui dit, d'après son expérience, ça lui a l'air positif. Et il m'a proposé de faire quelque chose, mais il fallait qu'on retourne en manif. C'était de doubler la dose de sang. Si je mets deux fois la dose de sang, je mets deux fois la dose de cyanure. Si je mets deux fois la dose de cyanure, je peux avoir une dose mortelle qui apparaît. Mais en fait, c'est pas vraiment une dose mortelle. J'ai la moitié de cette dose mortelle. Oui, t'as doublé la mesure, la quantité de sang mesurée, pour que le test puisse voir vraiment le cyanure apparaître, quoi. Exactement. Donc, il fallait qu'on y retourne. Donc, la première fois, on était le 20 avril. On y retournait le 1er mai. Les deux fois, on a couplé ça à des analyses thiocyanate, donc le dérivé du cyanure, pour vérifier, parce qu'il se forme très vite, le dérivé aussi. Hein. Donc, pour vérifier s'il y avait aussi des thiocyanates au passage, vu que de toute façon, on avait du mal à avoir des résultats, que les gens ne nous les envoyaient pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les thiocyanates, la première série, ils nous sont revenus un peu positifs. La deuxième série qu'on a faite, tout était à zéro, même pour des fumeurs, ce qui est impossible. Donc je pense qu'il y a un problème de manipulation dans le laboratoire, je ne sais pas exactement. Ils ont dû avoir des réactifs qui étaient daubés, hein, ça arrive dans un labo. En tout cas, tout nous est revenu à zéro et tout nous revient régulièrement à zéro depuis un moment en France. Sachant que toutes les analyses sont faites dans le même laboratoire à Lyon, hein. Tous les échantillons sont envoyés à Lyon, donc ils doivent avoir sans doute des problèmes de réactifs à Lyon régulièrement. Moi je vois pas d'autre explication parce que les fumeurs normalement ils ont un certain niveau, donc j'ai pas envie de les accuser, je les accuse pas de quoi que ce soit, je sais pas. C'était plus ou moins du jour au lendemain que c'est arrivé ça? C'est arrivé du jour au lendemain, on avait des positifs pendant un moment et du jour au lendemain que du négatif. D'accord, donc forcément ça pose question, t'as aucune preuve, on a aucune preuve de rien. Voilà, donc moi je me dis, on va doubler les mesures, on a décidé de faire les thiocyanates à la fois en France et également à l'étranger pour être vraiment sûr, parce qu'en plus c'est une technique, j'ai eu l'analyste au téléphone, hein. Il me disait que sa technique, elle n'est pas précise. C'est de la colorimétrie, ça s'appelle. Bon, c'est de la technique, hein, mais c'est. En gros, il me disait que c'était pas bien ce qu'il faisait. C'est pas précis, c'est plein de marge d'erreur. Et ce qu'il faudrait faire, c'est de la spectrométrie de masse. Donc, c'est un truc qui coûte cher. Ça coûte 50 balles l'échantillon au lieu de 26. Mais voilà, ça s'est fait en Allemagne. Et je me suis dit, bon, j'ai trouvé un labo en Allemagne qui le faisait. Et ça me paraît mieux. Au début, j'ai trouvé un labo en Belgique qui me le faisait à pas trop cher. Mais le labo en Belgique a dit non, c'est un peu trop sensible, on n'a pas envie de le faire. Ils ont refusé de le faire. Donc ça, c'est pour la partie thiocyanate. Pour la partie cyanure, je reviens un peu dessus parce que évidemment, on a eu cette aventure-là. On a fait le cyanure aussi. Donc le 1er mai, on est retourné, on a fait double dose de sang. Et là, on a bien eu le résultat type dose mortelle. Donc ça veut dire qu'on avait beaucoup de cyanure dans le sang. On n'a pas pu le confirmer par les thiocyanates, malheureusement. Alors on en était là. Et c'est là que est sorti un peu une, dans la presse. Alors, j'ose pas dire diffamation, parce que comme il y a une enquête en cours, je sais pas trop ce que je peux dire ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me ressemblait à la diffamation pour moi. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'on était des faux street medics ou des choses comme ça, alors que c'était des médecins qui étaient street medics depuis un moment. Donc oui, ils ont gardé leurs équipements habituels, mais c'est des médecins avant tout. Donc ils peuvent faire des ordonnances, ouais. Et ils ont fait, on a vérifié les niveaux de cyanure dans le sang, parce qu'on avait tous les symptômes aussi, hein. On avait des gens qui tombaient dans les pommes, qui avaient des vertiges, qui avaient, voilà, qui se sentaient mal, qui étaient désorientés. Et ça, ça a été déjà dit dans la presse, en plus. En 1986, il y a eu un scandale sanitaire en Allemagne, où ils ont dit qu'à cause des mêmes gaz, exactement la même formule, il y avait des problèmes de désorientation, perte de connaissance, etc., parmi les antinucléaires en Allemagne. Et ils ont interdit le gaz suite à ça. Et le plus grand toxicologue allemand a dit qu'il y avait un problème. Ok, donc là, tu as un résultat qui te prouve qu'il y a une dose conséquente, en tout cas de cyanure dans le sang, de gens qui viennent de se prendre des gaz lacrymogènes en France, en manifestation. Le laboratoire français qui te retourne tout ça en négatif tout le temps, à Lyon, toujours le même. Alors, au niveau des analyses, on a fait encore un truc. C'est paru dans l'Obs, vous pouvez regarder l'article de l'Obs. Là, il y a une grande reporter, Emmanuel Anison, qui m'a suivi, qui était avec moi. Et on a fait venir le scientifique suisse qui fabrique les kits là, de détection de cyanure. Et comme il est venu en personne, bah, c'est lui qui a fait les analyses. Et il avait un appareil un peu nouveau, en plus, qui permettait non pas d'avoir juste une couleur, ce qui est critiquable, mais d'avoir un niveau en milligrammes par litre, et qui est aussi précis qu'un labo fixe. Et lui, il nous a sorti des niveaux en milligrammes par litre de cyanure. Sur 6 personnes, on était à zéro au départ, on a fait avant-après, et on s'est exposé nous-mêmes. Donc moi, j'étais à zéro au départ, je suis monté à 0,7 juste après gazage. Et il y a eu des gens qui ont eu de 0 à 0,8. Et après gazage, ils ont fait un deuxième point, c'est-à-dire qu'ils ont regardé, ils sont montés à 0,8, ils ont repris du sang 10 minutes plus tard, ils sont redescendus à 0,6 ou 0,5. Donc ça veut dire que ça descend vraiment très vite. Donc c'est vraiment le gaz qui fait monter le cyanure, et ça redescend derrière. Alors quelles sont les conséquences concrètement ? Sur la santé, alors on a des effets directs des gaz, sur la peau, les yeux et le système respiratoire. Il y a des gens qui deviennent asthmatiques, ça c'est documenté, c'est publié. On peut devenir asthmatique, on peut avoir des bronchites à répétition, on peut avoir des bronchites pendant 1 an ou 2 ans, et on peut avoir des effets durables, des œdèmes pulmonaires, ça s'appelle sur les poumons. Sur la peau, on peut avoir des brûlures qui peuvent être très graves. Si on a plus de 20% de la peau qui est brûlée comme ça, on peut même en mourir. Ça a été publié dans un rapport européen. Enfin, au niveau des yeux, on peut avoir des grosses irritations avec les veines à l'intérieur des yeux qui éclatent, on peut avoir des gros gros problèmes. Mais il y a un deuxième effet, c'est le cyanure. Donc le cyanure, on n'a pas une dose mortelle, on a une dose faible. Ça fait quoi ? En effet direct, ça nous fait tomber dans les pommes, les vertiges, les pertes de connaissances. Ça peut jouer sur la mortalité. Si je pense par exemple à l'affaire Steve Canisso, qui est tombé dans l'eau, il était peut-être désorienté, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui était désorienté à ce moment-là. Il y a 5 personnes qui sont tombées dans les pommes d'après le rapport IGPN. Le fait qu'il y ait du cyanure dans le gaz lacrymo, enfin, que ça se transforme en cyanure dans le sang plus exactement, est-ce que ça lui donne plus de capacité à repousser les manifestants ou pas ? Est-ce que c'est utile en fait ? C'est utile parce que ça affaiblit. Vu qu'on tombe dans les pommes, qu'on a des vertiges, qu'on a des crampes, etc. Donc ça a un jeu aussi sur ça. Hein. Et c'est un gaz qui est utilisé dans la guerre du Vietnam. C'est un gaz militaire. Hein. Et de manière générale, il y a des effets sur le long terme, sur la santé, qui là sont dévastateurs. Ça attaque les reins, le foie et le cerveau, principalement. Je commence à avoir des gens qui me contactent avec des problèmes rénaux. Et sur le cerveau, ça c'est très indirect. Mais une exposition répétée au cyanure, ça fait des neuropathies. Ça a été montré plein de fois. Et le problème, c'est que tous ces problèmes-là de santé, on ne peut pas les relier que au cyanure. Ils peuvent être dus à plein de choses. Et le cyanure est juste un effet parmi les effets multiples qui le causent. Donc ça va aggraver cet effet. Et donc on va être sensible à ce genre de problème, mais c'est pas sûr que ce soit la cause unique. Et c'est là tout le problème, c'est que si on a déjà un peu d'asthme au départ, on peut se faire très mal aux poumons. Si on a déjà un départ de neuropathie, bah on va l'accélérer. On peut attraper Parkinson au long terme, on peut avoir une cirrhose du foie au long terme. Voilà, des choses comme ça. Et comment ça se passe à l'étranger alors, avec les gaz lacrymogènes, je sais pas, aux États-Unis, en Allemagne, c'est le même problème ou... Aux États-Unis, il y a une étude qui est sortie sur les 20 dernières années. 95% des problèmes de gaz, d'hospitalisation suite au gaz, c'est le gaz qui s'appelle OC, qui est une alternative au CS qui est utilisé en France. Le CS ne représente que 0,2% des cas. C'est celui-là, hein, le CS. Ouais, le CS, bah, je t'en ai ramené un, voilà. On en a deux. Joli, qu'on peut montrer. Alors, c'est marqué, hein. C'est marqué dessus, ouais, il y a écrit CS. Ouais, il y a marqué CS, là, je sais pas si on le verra, je ferai un insert sinon. Donc, il n'y a pas besoin d'inventer un gaz secret. Ouais, voilà, le complot, il est marqué dessus, quoi. Ouais, le complot, il est marqué dessus. Alors, il y a écrit fume lac souvent, donc il y a du fumigène dans certains. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des colorations selon la marque. Chez Nobel Sport, ils sont un peu plus orange. Ça, c'est Désarmonlé qui a fait un super boulot dessus. Je vous renvoie vers Désarmonlé, ils ont fait un super taf. Et puis, ouais, il y a Alexandre Langlois, le policier là, de Vigimi, qui m'a filé un peu des docs sur les manuels de police. Le problème principal, c'est l'utilisation massive. Dans les manuels de police, on leur dit qu'ils peuvent l'utiliser à volonté, parce qu'en atmosphère libre, il n'y a pas de danger. Alors qu'en fait, bah, si j'utilise un produit chimique, une arme chimique à volonté, à un moment, il y en a trop, quoi. À ton avis, entre nous, là, au lac, tranquille, là, comment ça se fait que ces gaz soient aussi dangereux en France, que ça n'ait pas été interdit comme dans d'autres pays, et qu'ils continuent à être utilisés comme ça? Alors, il y a deux boîtes françaises qui le produisent déjà, ça c'est important, Alcetex et Nobel Sport, donc on est sur des boîtes françaises qui vendent. On a eu des scandales en France par le passé, en l'an 2000 notamment, où on a vendu, Alcetex a vendu en Angleterre des gaz qui étaient surdosés, et les Anglais ne se sont pas retournés contre la France, parce qu'ils avaient direct utilisé les gaz, ils n'ont pas fait de tests qualité, comme ils devaient les faire normalement. Donc ils ne pouvaient pas vraiment se retourner contre la France, mais il y a eu des rapports dans le Parlement européen qui ont été rendus publics, dont je pourrais vous fournir aussi les documents, hein, qui ont été rendus publics par Steve Wright, avec lequel je suis en contact. Combien de tests t'as réalisé en tout? Combien de tests vous avez réalisé avec votre équipe? À peine une dizaine, quoi. D'accord. Et plus ceux qui ont été faits à Montpellier sur nous-mêmes. Donc là, on était 9 personnes qui voulaient bien le faire. Donc là, aujourd'hui, avec les tests, par rapport aux tests que tu as fait, au protocole que tu as employé, tu es en mesure d'affirmer quoi, en fait, exactement? Alors, ce que je peux t'affirmer, c'est qu'en plus de ça, on en a une cinquantaine qui sont positifs au thiocyanate. Donc, on a une bonne cinquantaine de personnes qui ont des thiocyanates élevés. Et ce que je peux affirmer, c'est qu'avant gazage, il n'y a pas de cyanure. Quand tu prends les gaz lacrymogènes, tu prends une dose suffisamment élevé pour être dangereuse pour la santé, de cyanure dans le sang, qui est éliminé rapidement, mais ça fait un épisode qui s'appelle d'hypoxie, de manque d'oxygène. Moi, j'aime bien comparer ça au jeu du foulard, c'est facile à expliquer, c'est un peu comme si on jouait au foulard tous les samedis. Et les policiers, tu leur en as parlé souvent de ça? Ah, je leur en parle très souvent, ouais. J'essaie de leur parler. J'ai deux réactions, hein. J'ai ceux qui sont intéressés et ceux qui m'envoient balader. Donc il y en a qui rigolent, qui se moquent de moi, qui me disent qu'il y a de la pollution dans l'air de manière générale, qui n'ont pas conscience finalement que le cyanure, c'est quand même un poison mortel, par rapport à du CO2, qui effectivement peut être à très forte dose un poison mortel, mais on n'a pas ces doses-là dans l'air. Parce que eux, ça devrait être les premiers concernés, en fait, à avoir des symptômes, des problèmes aussi, parce qu'ils sont... Ah, ils en ont des problèmes, ouais. Et certains me le disent. Certains me parlent de leurs problèmes de santé. Il y a des gens qui commencent à se bouger. Bah, je reparle d'Alexandre Langlois, parce qu'il a, sur son site, lui, il a carrément fait des alertes sur ses gaz lacrymo. Il en parle ouvertement. Et bah, il s'est fait suspendre, hein. Voilà. Mais il en parle, et il alerte énormément. Et il a des policiers avec lui qui ont aussi des effets de santé, qui lui racontent. Ok. S'il y a des gens qui veulent se rapprocher de toi pour... Alors moi, je fais gaffe, là, niveau analyse, je me tiens tranquille. Je recommande les analyses aux gens, ils peuvent les faire. C'est sans ordonnance. En France, on sait le problème qu'on a, c'est pas très fiable comme analyse. Il y a des problèmes de réactifs, on va dire. Par contre, à l'étranger, en Allemagne, j'ai négocié un tarif à 52 euros à un laboratoire à Bremen. Donc on peut envoyer des urines, c'est le plus simple. Moi, je recommande de le faire avant et après manif. On urine dans un pot avant manif, ça coûte rien. On va en manif. Si on a été gazé, si ça nous est arrivé, qu'on a eu des vertiges, des effets type cyanure, on peut attendre 24 heures. C'est 24 heures après gazage, il faut vraiment attendre 24 heures, hein, minimum. Pour que ça puisse passer jusque pour que ça puisse passer dans les urines. Et on réurine dans un pot. Par pot, c'est 50 euros, donc ça fait quand même cher l'analyse. Mais si on se dit qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on pense qu'il y a un problème, bah on envoie les deux pots en express en Allemagne. Ils acceptent que ce soit envoyé à température ambiante. Et le résultat ne sera pas faussé. Donc on n'a pas besoin d'envoyer en réfrigéré, spécial, etc. C'est vrai que si demain on a 1000 personnes qui font ça, avec 1000 résultats qui reviennent positifs, on peut avoir quelque chose. Donc moi je préfère que ça passe par les médecins, donc vous pouvez me contacter, mais il y a des médecins avec moi, et je préfère que ce soit eux qui reçoivent toutes données médicales parce qu'ils ont un secret professionnel à respecter, ce qui vous met en sécurité. Tu as reçu des attaques, des menaces là, par rapport à ta... Énormément, ouais. J'ai été mis en garde à vue totalement arbitrairement le week-end dernier. Je ne sais pas si c'est lié à ça. Hein. J'ai été, suite à ce qu'il y a eu dans la presse, on m'a interrogé. J'ai dû monter à Paris pour me faire interroger par la brigade. J'ai également reçu à titre privé des menaces par courrier. J'ai reçu des menaces également à mon lieu de travail. J'ai reçu des menaces par téléphone. J'en ai reçu énormément. Mais j'ai pas documenté plus que ça. J'ai gardé un peu tout ce que j'avais. Hein. Et la principale menace, bizarrement, vient de SOS ONU, qui est le collectif qui m'avait alerté sur les gaz au départ et qui a voulu totalement me stopper quand ils ont vu qu'on faisait quelque chose. D'accord. Étrange. Et très étrange comme comportement. Je peux en détailler un peu plus, mais c'est pas l'objet. J'ai pas envie de polémiquer. Je suis pas là pour tirer dans les pattes des gens. Moi, je préfère qu'on parle des gaz. Ok, voilà. Okay, bah merci Alex. Ouais, bah de rien. Et puis, bah, faites attention à vous en manif. Un petit dernier mot de prévention que je vais vous faire quand même. Vas-y. Comme ça, j'en profite. Donc, première prévention qui a déjà beaucoup circulé, c'est la douche froide. Ça, c'est un des scientifiques qui me l'a dit. Douche froide après manif. Pourquoi ? Ça ferme les pores de la peau. Ça évite à la molécule de rentrer en fait dans l'organisme. Donc, douche froide après manif, c'est le principal conseil. Après, conseil alimentaire. Ça, c'est au niveau du cyanure. Le cyanure, il est bloqué par le soufre. Donc, faut manger tout ce qui contient du soufre en préventif. Persil, ail, etc. Donc, c'est bien de manger ça. Et après, on a fait une petite liste sur un site web qui s'appelle gazlacrymo.fr. Donc, gazlacrymo.fr. Vous cliquez sur les effets indirects des gaz et vous avez toute une liste alimentaires à manger. Il y a des compléments alimentaires au cobalt qui bloquent le cyanure. Et après gazage, si vous ressentez la fatigue extrême, c'est probablement que le cyanure a attaqué vos métaux circulants. Donc il faut refaire son stock de sélénium et de zinc. Et donc pour ça, on mange du chocolat, c'est génial, et des amandes. Et en préventif, en plus du sulfate, il y en a aussi dans la bière et dans le vin, donc... Que demande le peuple, quoi. Donc un bon gueuleton après manif, quoi, en fait. Avant manif, un bon gueuleton, et après manif, chocolat, amande. Chocolat, bière. Ouais, okay. C'est génial. Les conseils alimentaires sont super. Mais n'hésitez pas à regarder un peu les infos sur gazlacrymo.fr. On essaie de mettre un max d'infos sur le dispo pour tout le monde. Un gros dossier scientifique va sortir prochainement, d'ici 2-3 semaines. Enfin, on essaie de faire au plus vite, hein, qui sera co-signé par des personnes importantes et qui sera diffusé auprès des centres anti-poison et du monde médical. Je te remercie en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer un petit peu. C'est bien d'être totalement libre en plus de parler en un cadre agréable. On est plus chaud que les lacrymos, on est plus chaud. Allez, la tienne. Alex et moi, on est des vieux copains, alors on peut pas s'empêcher de déconner un petit peu à la fin, mais cet entretien était très sérieux et semblerait cacher un vrai scandale sanitaire en France. Vous trouverez un maximum de sources et de documentation dont il a parlé dans la description de cette vidéo pour pouvoir vérifier, compléter, pourquoi pas infirmer son travail. Et merci à ceux qui passent par Tipeee pour permettre à la chaîne de continuer sa démarche. Non, non, pas du tout. Premières attaques policières, premier jet de lacrymogène et première grenade. Le truc incroyable, c'est que, bah, t'as vu, ils visent la presse, ils visent la Ligue des droits de l'homme qui est là pour observer leur travail. Donc voilà, on est toujours dans le même délire autoritaire et qui nous empêche de manifester. Pourtant, cette manifestation est déclarée. Donc je comprends pas. Et voilà. Après, est-ce que vous attendiez être dans la rue encore, Jérôme, aujourd'hui? Ouais, mais ça, cette question, on la répète depuis des semaines. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que ça fait un an qu'on est dans la rue et on a toujours la même réponse. Cette réponse de répression, cette réponse policière, au lieu de répondre à ce que réclament les gens. Et c'est ça qui est regrettable, c'est qu'au final, en un an, rien n'a changé. On subit toujours cette violence gouvernementale qui utilise et instrumentalise la police pour nous violenter et nous faire rentrer à la maison. Et c'est ça qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui. Il est un an, on n'a rien gagné, on n'a rien à fêter. Toujours. Moi, j'ai toujours pas bouffé le gâteau. Hein, et le gâteau, on n'est pas prêt de l'avoir parce qu'on est empêché de pouvoir l'avoir à cause de la police. Et ça, c'est autant de violences policières dès le début de la manifestation qui était prévue à 10h, c'est quand même... comment vous expliquez ça? Parce qu'il n'a pas envie de nous entendre. Le but du jeu, c'est de nous éparpiller dans tout Paris, dire qu'on nous faire passer pour des guignols et que derrière, qu'on ne soit pas, qu'on soit pas écouté. Donc, excuse-moi, je cherche mes mots, mais ça m'énerve, tu vois. On vient pour manifester tranquillement, même à la préfecture de Paris, à mettre des zones sécurisées comme ça, ça n'est c'est apporter des frustrations aux gens qui avaient besoin de manifester aujourd'hui, de se faire entendre. Donc, regrettable. Ça, la mobilisation reste forte pour les gilets jaunes et compte marquer d'une pierre deux coups l'anniversaire. Voilà. Bah, dans l'absolu, les seuls qui les marquent, c'est les violences policières. Et c'est ça qui est regrettable. Merci Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Si nous savons la sagesse de nous fédérer dans tout le pays, le dernier mot nous reviendra, espérait Jean-Luc Mélenchon, c'était lors des premières manifestations contre la loi travail du début du quinquennat. Entre-temps, d'autres débats se sont imposés dans la société, le débat sur l'islam, sur la laïcité, et puis l'écologie aussi, qui pourrait être au centre des élections municipales de mars à venir. On va en parler avec Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Merci Bonjour. D'être avec nous. Mais on va commencer à faire le tour de la semaine. Quelle semaine? Et notamment ce qui s'est passé hier autour des Gilets jaunes. 53e samedi de manifestation. D'autres sont prévus aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer qu'il y avait eu 264 interpellations en France, dont 173 à Paris. Et il a dénoncé l'action de brutes et de voyous. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces cortèges des brutes et des voyous qui brouillent le message des Gilets jaunes? Bon. C'est pas par là qu'il faut prendre le problème. À Paris, le préfet Lallemand, dont la violence personnelle est connue, il l'a exercée lorsqu'il était préfet de la Gironde, notamment en félicitant les gens qui avaient frappé le député Loïc Prud'homme, a demandé que la manifestation démarre place d'Italie. Place d'Italie, il y a des chantiers. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que c'était pas le bon endroit. Même le maire de l'arrondissement a trouvé que c'est pas le bon endroit. Donc vous mettez en cause le matin, préfet, vous? Oui, bien sûr. Le préfet de police a été nul dans cette affaire. Il a lui-même créé les conditions des débordements. Par conséquent, quelle que soit la composition de la manifestation, vous savez, dès que vous avez un groupe humain un peu important, vous avez de tout dedans, des gens excités, des gens calmes, etc. Ceux qui organisent les choses, c'est-à-dire l'autorité publique, a le devoir de mettre en place ce qui est le plus favorable. Pas de créer les conditions du désordre comme l'a fait le préfet Lallemand. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que le ministre de l'Intérieur devrait le rappeler à l'ordre? Oui, le ministre de l'Intérieur a déjà renvoyé le précédent préfet en disant qu'il n'était pas bon, que c'était à cause de lui qu'il y avait eu des désordres et des débordements. Je pense qu'au lieu d'insulter les gens, le ministre de l'Intérieur, qui a quand même un lourd passif maintenant à son actif, 22 personnes éborgnées, 5 mains arrachées. La ministre, vous aviez demandé sa démission ici il y a quelques mois. Évidemment, c'est quand même la personnalité qui incarne la faillite d'une doctrine d'emploi de la police française. Parce qu'autrefois, c'était pas comme ça. On a fait mai 68, on a eu un mort. Et il y avait 10 millions de travailleurs en grève et puis des gens qui étaient dans les rues. Mais est-ce que la violence, justement, n'est pas apparue dans ces conflits sociaux, ce qui n'existait peut-être pas comme ça autrefois? Regardez les Black Blocs, par exemple. Les Black Blocs, personne ne semble pouvoir les arrêter. Oui, mais ce n'est pas le sujet, franchement, Francis Le Tellier. Essayons de prendre un peu de hauteur pour comprendre ce qu'est notre pays. On n'est pas simplement en train de régler 3-4 affaires dans un coin. Il y a l'image de la France, il y a ce que nous sommes. Écoutez, nous avons pu avoir une grève générale dans notre pays. Qu'est-ce que vous croyez? Que les gens en mai 68 avaient moins de testostérone qu'aujourd'hui? Enfin, vous plaisantez. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête? Non, pour que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Pas pareil. Non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il faut avancer? Mais vous avez raison de poser la question comme ça, parce que ce que Castaner et Belloubet, la ministre de la Justice, quand même, 11 000 gardes à vue, 3 000 personnes en procès, 1 000 personnes condamnées à de la prison ferme. Comme a dit le journal Le Monde, c'est une répression sans précédent d'un mouvement social. L'intention du gouvernement et de M. Macron, c'est de faire tellement peur que les gens ne disent plus rien. Donc ce qu'il compte faire, c'est une sorte de, comment dire, redéploiement autoritaire de l'autorité de l'État. Mais l'autorité de l'État, c'est pas l'autoritarisme, c'est une autre manière mais de travailler. Mais alors je reviens à ma question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête? Alors voilà, bon, eh bien, il faut une politique égalitaire. Monsieur Le Tellier, écoutez-moi, le mouvement a un an, on est d'accord? Donc ça fait un an que vous avez un signal d'alerte maximum sur la manière dont une partie de la population a été écartée de tous les bienfaits de la vie en commun. Eh bien, pendant cette même année, derrière tout le blabla, mais à côté des violences, vous avez eu 400 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté. Et dans le même temps, vous avez 60 000 personnes à qui on a fait cadeau de combien ? Plusieurs milliards ? 400 millions grâce aux relèves d'impôts. Je n'avais pas le chiffre, je ne sais pas où vous voulez en venir. Non, mais je n'ai pas dit ça pour vous embarrasser. Non, mais je ne savais pas où vous voulez en venir. Mais c'est pour créer l'effet d'attention. Autrement dit, pendant cette année, alors que nous avons le signal d'alerte maximum des Gilets jaunes, qui sont massivement des braves gens à qui il faudrait dire merci pour l'alerte qu'ils ont donnée, eh bien le pouvoir a continué à gorger d'argent les mêmes et à prendre toujours eux mêmes. Comment puis-je vous dire? À cet instant, je parlais avec les gens qui avaient autour de moi. Madame Pénicaud est en train d'inventer que le travail de nuit commencera à 1h du matin pour moins payer les gens. Ils en ont pas marre de brimer tout le temps ceux qui travaillent et qui n'ont que leur travail pour les vivre. Autres images de la semaine, on va aller en Bolivie. Parce qu'évidemment, à chaque fois, on vous parle pourquoi d'Amérique pas du Sud. Alors aujourd'hui, c'est la Bolivie. Oui, mais on aurait pu parler du Liban ou de l'Irak. Oui, mais on va parler d'Evo Morales. Les affrontements entre pro-Morales et l'armée ont fait 9 morts, 122 blessés. Evo Morales a été obligé, poussé vers la sortie. Qui peut ramener le calme dans le pays? Les électeurs. Que voulez-vous? Ou c'est la guerre civile, ou c'est les élections? C'est ce que propose la nouvelle présidente par intérim. Elle dit il faut qu'il y ait des élections. Ah oui, vous avez dû rater un épisode, mon cher Le Tellier. C'est que Evo Morales, devant la persistance des émeutes de l'extrême droite, avait dit puisque c'est comme ça, on revote. C'est donc Evo Morales qui a proposé qu'on vote de nouveau. Et la nouvelle, comment dites-vous? Jeanine Agnès, la présidente par intérim. Non, elle n'est pas présidente par intérim, c'est une putschiste. Qui n'a aucun titre à être présidente de ce pays, parce que la constitution de la Bolivie prévoit que c'est la présidente du Sénat qui remplace... Oui, mais elle n'a pas voulu. Elle n'a pas pu entrer dans la salle, c'est pas pareil, monsieur Le Tellier. Quant à cette femme, c'est une personne d'extrême droite qui a une détestation personnelle et raciste des Indiens, qui constituent pourtant 70% ou 80% de la population de ce pays. C'est une illuminée qui rentrait dans le palais avec une Bible à la main. Imaginez-vous qu'on ait vu la même chose avec un Coran. Qu'est-ce qu'on aurait dit sur la terre entière? Non, je crois que le retour au calme en Bolivie, que je souhaite, sera le résultat des élections. Comme partout, la solution, c'est les élections. Mais on aurait pu parler du Chili et on aurait vu qu'ils ont eu l'intelligence de comprendre que puisque la situation était absolument bloquée, il faut maintenant qu'il y ait une assemblée constituante. Mais on va parler c'est ce que maintenant, je propose pour notre pays. On va parler maintenant de Patrick Balkany. Sa deuxième demande de remise. Quel est le rapport entre les deux? C'est les images de la semaine qu'on a choisies. Ah pardon, c'est les images. Sa deuxième demande de remise en liberté a été rejetée. Le maire, les Républicains de Valois-Perret, a été incarcéré depuis 2 mois pour blanchissement, fraude fiscale. Est-ce qu'il est, à vos yeux, l'illustration de la politisation de la justice, comme vous le dénoncez, le lawfare? Lui, non. Non, mettons les choses à leur place, parce qu'à un moment donné, on a voulu mettre un trait égal en disant, vous voyez, lui aussi, on l'a jugé, alors vous, c'est la question que je vous pose. Vous n'avez plus qu'à vous taire, on peut parfaitement vous faire tout ce qu'on veut. Non, les motifs de ces poursuites judiciaires sont de nature d'un problème qu'on connaît, qui est la question de la fraude fiscale. Alors, ils s'en servent un peu, ça c'est clair, comme d'un bouc émissaire. Pendant qu'on parle de Balkany, on va être beaucoup plus discret sur les 80 milliards qu'on se fait voler tous les ans par les très riches qui fraudent ou qui fuient le fisc en se mettant aux frontières. À ce propos, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale veut qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les obstacles à l'indépendance de la justice. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, on attend de... Elle n'est pas très sympa, la photo que vous avez mise là. Vous savez que je sais sourire aussi. Hein. Je voulais dire à tous ceux elle est là. Oui, vous voyez. Je voudrais vous dire que je suis capable de sourire. Mais vous Non, mais ce n'est pas celle-là qui vous intéresse. Juste une chose. Là, vous souriez. Non, mais la question est, qu'est-ce que vous attendez de cette commission? Eh bien, nous avons observé que depuis que Mme Belloubet est garde des Sceaux, la justice dans notre pays, c'est-à-dire la partie parquet, hein, les magistrats qui dépendent de l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Et le cas des magistrats du siège, c'est-à-dire qui suivent la carrière sans devoir rien du tout au pouvoir politique, est un autre cas. Mais pour ce qui concerne l'utilisation du parquet, on a le sentiment, et tout le monde le voit, qu'il doit y avoir une pression politique sur lui qui est considérable. Mmh. On a vu un procureur dire qu'il avait menti sur l'affaire de la manifestante, Madame Le Guay, qui avait été jetée au sol et battue pour ne pas poser de problème au président de la République. On a vu des situations incroyables, comme la relaxe totale et non-lieu pour les comptes de campagne du président de la République, tandis qu'on s'acharne sur les miens sur lesquels on n'a jamais Donc c'est trouvé. Ça que vous voulez savoir Là, par exemple, vous avez vu, ils ont mis un an et demi à découvrir que le fait qu'on ait soustrait les coffres-forts de M. Benalla à la justice était un délit. Un an et demi pour s'en apercevoir. Pourquoi font-ils ça? Parce que M. Benalla a écrit un livre et qu'il est candidat et que les macronistes veulent le faire qu'il baisse de ton et qu'il n'aille pas trop raconter l'histoire. Donc, il y a vraiment un problème d'indépendance de la justice, d'instrumentalisation politique de la justice. Vous pensez que vous serez suivi par les autres groupes politiques là-dessus? Bah, on va faire une commission d'enquête, c'est une enquête, c'est pas, il n'y a pas de thèse. Mais est-ce que les autres sont d'accord avec vous là-dessus ou est-ce que c'est une beaucoup, démarche? Beaucoup, en effet, pensent comme moi que, et comme nous qu'il y a un problème hein, dans ce pays. Par exemple, vous n'avez pas une seule plainte pour fuite dans la presse, ça concerne votre maison, hein, depuis le temps. On ne demande pas que les journalistes cessent de fouiller partout. On dit seulement qu'on demande que ceux qui ont les documents, les PV, arrêtent de les vendre ou de les donner parce que c'est interdit et que c'est illégal. Or, la garde des Sceaux n'a pas engagé une seule poursuite depuis qu'elle est garde des Sceaux pour des fuites. Donc c'est Nicole Belloubet que vous visez, là Non, c'est une manière de faire de la justice et de la politisant. Parce que les magistrats, eux, ils n'aiment pas trop le rôle. Hein. Vous avez vu, là, par exemple, dans la décision de poursuite contre à propos du coffre-fort de Benalla, à peine le procureur général avait-il déclenché l'enquête, il a vite tout redonné à un juge d'instruction. Il n'a pas envie de faire le larbin de service. Alors, vos détracteurs vous reprochent souvent de vouloir faire la leçon. Vous êtes en tout cas allé donner une conférence à l'université d'Aix-en-Provence. Mais quel rapport ça après, faire la leçon, parce après, que je développe des idées. Et vos détracteurs, je vous dis ce qu'ils vous... Après une étape à Marseille, où les municipales se préparent aussi, vous allez voir. Mais c'est gagnable, Marseille? Ah ben écoutez, la droite est très divisée. Les marcheurs sont divisés entre eux et avec les autres, donc c'est quand même une noire pagaille. Alors nous, on peut aussi être assez stupide pour se tirer une balle dans le pied, hein, ça c'est tout à fait possible. Il y a du talent pour ça aussi. Hein. Peut-être que vous auriez dû y aller? J'espère finir moi, non pas par battre le maire sortant de Marseille, mais le président de la République sortant. La droite est là depuis 25 ans, oui. La personne de Jean-Claude Gaudin. Oui. Et la gauche, elle est où? Elle va venir, elle va arriver. Sous les traits de qui alors, à votre avis? J'en sais rien du tout, il n'y a personne. Jean-Luc Mélenchon, il essaye en ce moment de réunir une liste de rassemblement, ça peut marcher? Oui, parce qu'en fait il a jamais changé de route, il a toujours parlé de la même chose, et c'est une personne qui ne mange pas à tous les râteliers. Bonsoir, bienvenue. Pierre Ville, le doyen de la faculté. Merci de m'accueillir. Ce n'est pas un meeting. Je vous rencontre parce que vous êtes des étudiants en sciences politiques et la rencontre est une rencontre intellectuelle. Je vous présente la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. Je vous remercie d'être venu. J'aurais quand même pas eu l'air malin si je m'étais retrouvé tout seul. J'ai vu l'interdiction de la conférence de Sylvia Nagasinski, je trouve ça scandaleux. C'est un grand esprit, c'est une femme... Bon. Alors après, évidemment qu'on peut être en désaccord, même fondamentalement, on écoute. Oui, bien sûr. Mais le principe du débat, c'est aussi d'avoir des gens avec qui on n'est pas d'accord et avec qui on discute. Jean-François Hollande se fait lever à lui, par exemple. Le cas est un petit peu différent parce qu'il me semble que les gens le tiennent pour responsable de la situation qu'ils vivent. D'autant qu'ils se sont privés d'un grand plaisir. C'était de le mettre en contradiction, pour une fois de l'obliger à dire s'il avait une idée sur quelque chose, ça aurait été quand même un grand événement, quoi. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il faut pour garantir la liberté d'expression dans les universités? Pourquoi certains peuvent y aller, vous, il n'y a pas eu de soucis, et d'autres, il y a des soucis? Oui, il faut le vouloir, chacun d'entre nous. Bon, il y a toujours eu des excès, hein. Oui, mais là, quand même, est-ce qu'il y a besoin de rappeler qu'à l'université, tout le monde peut s'exprimer? Oui, il faut le faire de temps à autre. Je me rappelle de ma propre jeunesse, je ne peux pas dire qu'on est tout le temps brillé par notre tolérance. Mais après, quand on a un certain niveau d'écoute, on a un devoir qui est de rappeler que l'université est le lieu de la liberté de l'esprit. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Absolument tout le monde. C'est-à-dire que, je l'ai redit... C'est-à-dire si Marine Le Pen veut faire une conférence dans une université... Si elle veut faire, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit invitée. Bien entendu. Mais si elle est invitée... Non, c'est un détail qui a son importance. Non, parce que Bruno Retailleau, par exemple... Moi, je ne me suis pas imposé. Hein. Bruno Retailleau voulait faire une conférence, lui, sur le terrorisme. Et la direction de l'université, de la Sorbonne, lui a dit que ce n'est pas la peine de venir, il risque d'y avoir des problèmes. Bon, je ne suis pas capable de répondre à chaque cas. Ce que je peux dire, comme formule générale, l'université est le lieu de la liberté de l'esprit. Et je recommande à tout le monde, et à, surtout à ceux qui se sentent proches de moi, de faire toujours preuve d'une tolérance absolue. Alors ça, c'est intéressant. Donc, comme parler, parce que... écoutez, moi, je ne suis pas content. Je n'aime pas François Hollande, et j'ai parfaitement compris que les étudiants le rendent responsable d'une partie de leur situation sociale détestable, ce qui est vrai. Mais l'empêcher de parler ou déchirer ses livres, je trouve que c'est pas ça qu'il faut faire. Mmh. C'est plus intéressant d'aller lui demander ce qu'il pense, parce que là, il va y avoir du travail. Alors, je voudrais revenir aussi sur la situation dans les universités après le geste d'Anas, oui. Cette étudiante de 22 ans qui s'est immolée par le feu, qui est aujourd'hui dans un état grave, parce qu'il n'avait pas les moyens de poursuivre ses études. D'après vous, est-ce que c'est un geste politique ou un geste de désespoir? Parce qu'il y a eu une question là-dessus, notamment le gouvernement qui a dit il y a aussi quand même une question personnelle, peut-être. Est-ce que pour des idées, est-ce qu'on se suicide? Voilà, c'était la question du gouvernement. Non, mais ça, c'est une... La réponse à une question comme celle-là est très intime et dépend de la personne qui va agir. Mais nous devons au moins avoir le respect des morts. Je pense que c'est une attitude que tout le monde a. Ou le respect des gens... Qui sont prêts à un sacrifice ultime. Ce n'est pas la première fois que nous voyons ça dans l'histoire. Nous avions les moines bouddhistes qui se sacrifiaient par le feu pour protester contre l'intervention américaine. Nous avons eu Jan Palach en Tchécoslovaquie qui s'est incendié contre l'intervention soviétique. Donc ce n'est pas la première fois qu'on voit des actes de cette nature où le jeune homme en Tunisie, Bouazizi, qui s'est immolé parce qu'il n'en pouvait plus. Donc bien sûr, les gens qui se sacrifient se sentent dans une situation d'impasse. Mais on doit respecter le sens qu'ils donnent à un acte pareil. Dépolitiser l'acte de ce jeune homme est d'une violence morale totalement barbare. Il faut considérer qu'il a voulu dire quelque chose et qu'il l'a fait dans des conditions épouvantables. Mmh. Voilà. Et donc, ça doit être respecté. Que voulez-vous? Il y a 20% des étudiants qui vivent dans la pauvreté. Vous avez des millions de jeunes gens qui n'arrivent pas à conclure leurs études parce qu'ils doivent travailler en même temps. Et, monsieur Le Tellier, disons ce qui est. La richesse de la France, la seule richesse qu'elle a, c'est la matière grise qu'elle est capable de développer, c'est-à-dire l'intelligence et le savoir. Priorité à l'éducation. On n'a pas de pétrole, on n'a rien du tout. Donc il nous reste nous-mêmes. À propos de la situation sociale, on parlait des gilets jaunes, on voit ce qui se passe dans les universités. Le prochain rendez-vous social, c'est le 5 décembre, avec des appels à la grève, notamment à la SNCF et à la RATP, des appels à la grève illimités. Vous serez de nouveau dans la rue? Ah, je pense. Je ne sais pas, on va voir. Mais ce qui est important, c'est la date du 5 décembre. Parce que je vois, par exemple, dans mon département, les Bouches-du-Rhône, j'ai discuté avec l'Union départementale CGT, ils me disent qu'ils ont plus de préavis de grève qu'il y en a eu en 2003, qui est un peu l'année repère luttes pour les retraites. Justement, donc on aura une puissante mobilisation avec sociale. Avec ce qui se passe là, pardon, monsieur Le Tellier, laissez-moi vous dire que la grève a lieu le 5, c'est un jeudi, et le samedi, il y aura à nouveau une grande marche des gilets jaunes. Par conséquent, j'espère que le samedi aussi, ceux qui auront été dans la lutte le 5 viendront aussi le samedi dans la rue. Vous faites un appel à la manifester le samedi avec les gilets jaunes. Je trouve que ce serait une bonne chose parce que les gilets jaunes ayant appelé à venir le 5 décembre, eh bien, je trouve que ce serait bien qu'on soit tous dans la rue le samedi 7 décembre. Vous avez déjà dit que la réforme des retraites, c'était la mère des batailles. Mais en face de vous, il y a Emmanuel Macron qui dit « C'est une réforme très dure, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. » L'imaginez-vous faire demi-tour, réellement, sincèrement? Normalement, son rôle est d'arriver à comprendre l'état du pays. Nous n'avons pas élu un monarque, juste un président de la République. Donc, il ne peut pas prétendre avoir raison contre tout le monde s'il s'aperçoit que dans le pays, on n'en veut pas. Et la retraite... Mais vous l'imaginez vraiment faire demi-tour, faire marche arrière? Mais vous savez, il y a été déjà une fois contraint, je vous le rappelle, il a fait des concessions au mouvement Gilets jaunes pour 10 milliards, et on aurait pu en prendre davantage, hein, à mon avis. Mais donc, je pense que cet homme n'est pas aussi buté et borné qu'il veut le donner à voir. Là, il fait, c'est un peu de la gesticulation des muscles pour continuer donc à garder... Vous êtes confiant en Emmanuel Macron, quelque part? Non, vraiment, mais franchement, vous posez cette question pour rendre la conversation confuse ou agréable, pour éclairer mon point de vue. Ou agréable, vous avez raison. Ou agréable, parce non, que c'est ça la... n'est vous pas dites... mon sujet. Donc, je ne sais plus quel était le point de départ, je vais donc dire ce que je pense. Monsieur Macron fait ce numéro de muscles parce qu'il veut être le chef de la droite. D'accord. Et il y arrive pas. Mais vous dites qu'il est capable d'entendre quand même, vous l'avez dit. Non, je dis une chose, le rapport de force est capable de s'imposer. Je veux dire aux gens qu'il n'est aucune illusion sur cet homme. Seul le rapport de force arrive jusqu'à son cerveau. Si vous cédez... Mais qu'il l'entendra. Mais je suis persuadé qu'il l'entendra, ou bien il lui en cuira. Parce que dans le monde entier, dans tous les pays, les gens se mettent en mouvement. Pourquoi? Pour assurer le minimum de leur vie. La question de la retraite, monsieur Le Tellier, C'est une question qui concerne notre manière de vivre ensemble. La retraite par répartition comme nous la pratiquons. Donc je veux rappeler que le régime est en équilibre. Il n'y a donc pas besoin de tout démolir. C'est aussi vieux que l'humanité. C'est-à-dire ceux qui travaillent s'occupent de ceux qui ne peuvent plus le faire ou qui sont en âge d'arrêter. Ça, c'est une vision de la vie. La vision de M. Macron, c'est chacun accumule ses petits points dans son coin, a des retraites complémentaires et ainsi de suite. J'ai une société injuste, violente, cruel et inégalitaire. Jean-Luc Mélenchon, on va parler de la laïcité, de la République, c'est des thèmes qui vous sont chers. Les municipales qui arrivent, autant de questions sur lesquelles vous allez lever le voile. On va accueillir Nathalie Moret, éditorialiste politique dans les journaux du groupe Ebra, notamment Le Progrès et Le Dauphiné. Bonjour Francis. Bonjour madame. Bonjour Nathalie. Ça arrive, mais vous êtes... Merci Nathalie. Alors d'abord, avant que Nathalie ne prenne la parole, il y avait la manifestation contre l'islamophobie dimanche dernier à laquelle vous assistiez. Laurent Saint-Martin, qui est député de La République En Marche du Val-de-Marne, il est chargé d'une réflexion sur la laïcité pour le parti du président de la République et il vous pose cette question qu'il nous a envoyée. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, chers collègues, je vous interpelle depuis l'Assemblée nationale. Vous avez participé dimanche 10 novembre à la marche contre l'islamophobie. Je peux totalement comprendre quelles étaient vos intentions louables initiales contre un certain racisme dans notre pays. Mais vous avez manifesté aux côtés de personnes que je considère comme étant non fréquentables et qui ne viennent pas lutter contre l'islamophobie mais qui viennent défier la laïcité. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, pouvez-vous nous dire simplement si vous regrettez d'avoir manifesté aux côtés de ces personnes-là ? Voilà, je laisse répondre. Non, je ne regrette pas du tout. C'est le contraire. Je suis extrêmement fier d'y avoir été participant parce que ce que j'ai vu, c'est ce que j'espérais. Une manifestation d'unité nationale, des drapeaux bleu, blanc, rouge partout, la Marseillaise à la fin, et plein de gens venant me dire « Merci d'être là, vous ». Et ils savent très bien qui je suis. C'est-à-dire quelqu'un qui a un discours quand même assez sévère et constant sur la séparation du justement, religieux justement, et du politique. Justement, Nathalie. Non, mais permettez-moi de terminer. C'était ça qui était en jeu. Oui. C'est l'unité nationale. Je ne permettrai pas qu'au nom de leur religion, on montre du doigt une partie des citoyens et qu'on conteste leur citoyenneté. Moi, j'ai protesté contre la messe officielle à l'église Saint-Sulpice pour Jacques Chirac, qui avait eu sa messe juste avant. Donc, chaque fois qu'on mélange le religieux et le politique, je m'y oppose. Nathalie. Emmanuel Maurel, qui est un ancien socialiste, qui a été élu sur votre liste en juin dernier aux élections européennes, estime justement que la gauche a perdu ses réflexes en matière de laïcité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Bon, la gauche, le problème, c'est de savoir qui ça désigne. Alors qui, justement ? Je ne sais pas, demander de lui à lui. Il y a moins de réflexes. C'est un très bon camarade. C'est un ami très cher et j'écoute ce qu'il dit avec toujours beaucoup d'intérêt. Lui n'était pas à la manif. Oui, je sais, il y a des différences d'approche sur ce sujet. Moi, je ne me réfère jamais aux gens qui sont dans la manif, je me réfère au sujet. Par exemple, je suis allé à la marche Mireille Knoll, nous sommes allés en écharpe, nous en avons... Mireille Knoll a été assassinée dans un meurtre qui a été considéré comme antisémite et il y a eu un appel que j'ai signé pour cette manif. Ce jour-là, j'y étais avec mon écharpe tricolore, j'ai été expulsé de la manifestation par la Ligue de défense juive, qui est considéré comme un groupe terroriste en Israël et aux États-Unis, et je n'ai pas dit un mot contre la marche. J'ai dit, il ne faut pas confondre la marche avec quelques énergumènes. Eh bien, de même, je dirais, il ne faut pas confondre la marche laïque, républicaine et française qui a eu lieu le 10 avec quelques personnes qui ne sont pas laïques ou pas aussi français. Et il y en avait. Alors justement, il y en a partout, mon pauvre ami. Il y en a même peut-être autour de ce plateau qui ne supportent pas les autres à cause de leur religion. Nathalie, justement, vous faites la une cette semaine de Valeurs Actuelles avec ce titre, Islamo-Collabo, je ne sais pas. Regardez si les drapeaux, vous les voyez. Voilà, Islamo-Collabo, vous n'avez pas réagi. Pourquoi ? C'est la liberté de la presse. Valeurs Actuelles avait pris, à mon avis, une orientation plus intellectuelle. Et le voilà revenu à l'égout fasciste traditionnel, les injures. Bon, islamo-collabo, je m'excuse, mais les collabos, c'est pas dans ma famille qu'il faut les chercher. Hein. C'est plutôt dans ceux qui ont réellement collaboré et ils sont pas dans notre camp. Alors après, bon, c'est leur point de vue. Naturellement, je ne le participe pas. Mais je trouve que c'est une manière, si vous voulez, que tous ces gens ont trouvé pour qu'on ne traite pas des questions sociales. Mais là, sur cette une, vous dites, bon, ben voilà, ils ont le droit, c'est la liberté de la presse. Bah, oui. Tact. Bah, écoutez, j'en ai défendu d'autres de titres. Regardez, quand Charlie Hebdo, une fois, a fait une sur moi, j'avais dit, c'est le peuple qui nous a libérés du nazisme. Ils m'ont représenté avec un brassard en train de tondre une femme. Vous m'avez entendu protester, pourtant, ça j'étais indigné. Nathalie, voilà, Nathalie. C'est la liberté toujours, de la presse. Nathalie. Toujours sur cette question. Bruno Retailleau et Xavier Bertrand, eux, ne veulent pas de liste communautariste pour les prochaines élections municipales. Ils sont favorables à la rédaction d'une charte qui pourrait être signée, par exemple, par les présidents ou les responsables de partis. Si cette charte voit le jour, est-ce que vous la signerez ? Non, je ne signe rien d'avance proposé par M. Retailleau ou M. Xavier Bertrand. C'est parce que c'est la droite. Ils ne m'en veuillent pas. Bon, mais ils ne sont pas de mon bord eux-mêmes. Vous répondrez pareil si c'était moi qui leur proposais de signer un texte. Alors, l'hélice communautariste, ben, bon appétit, essayez de définir ça, ça va être intéressant. Alors, par exemple, mais par exemple, juste si une femme voilée veut se présenter aux élections municipales, elle peut. Supposons ou pas. Quelqu'un qui a une kippa sur la tête. Vous pouvez me poser la question. Posez-la. Posez-moi la question. Est-ce que, par exemple, l'entende. Quelqu'un qui a une kippa sur la tête peut voilà. figurer eh ben, sur la réponse est la même. Quand on est laissez-moi la faire. Hein bon, parce que, à nouveau, ça commence par les musulmans. Mais je veux la faire et j'espère que tout le monde va m'entendre et va m'écouter. Quand on est candidat en République française, c'est pour représenter tout le peuple, c'est-à-dire tout le monde, et d'abord, quelle que soit la religion. La question de la réunion nationale n'est possible qu'à la condition que la patrie soit républicaine. Donc, je dis, ce n'est pas une bonne chose, et je suis plutôt opposé, je suis même opposé, à ce qu'on affiche des signes religieux au moment où l'on va solliciter les suffrages. Et je comprendrais parfaitement que des électeurs ne l'acceptent pas. Je veux dire, s'agissant des musulmans, qu'il y a déjà des musulmans élus partout, de même qu'il y a des catholiques. Bien sûr. Tout le monde doit faire l'effort de mettre la religion à part, alors, dans le secret des cœurs, et de ne pas la proposer comme programme politique. Voilà ce que je crois. Alors, on va parler des municipales patrie. Maintenant, à Marseille, notamment. Oui, on vous a vu dans le sujet, Europe Écologie Les Verts ne veut pas d'alliance avec la gauche, que ce soit la France Insoumise, le PC, le PS, tous les collectifs citoyens qui existent là-bas. Où est-ce que vous avez trouvé cette photo? Je ne sais pas, mais ce n'est pas la question. Vous dénoncez la pression, justement, de la Direction nationale d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est Yannick Jadot qui coince à Marseille? Non, c'est rarement les personnes. C'est un homme estimable. Il mène sa bataille. Bon, c'est plutôt l'écologie un peu de droite, quoi. Bon, ben, il a le droit. Pourquoi pas? Alors, ils ne veulent pas d'alliance, mais parce qu'ils pensent qu'ils ont les moyens, maintenant, de passer sur le corps de tout le monde. C'est une attitude un peu le melon, quoi. Mais passons. Essayons de dominer ça, c'est un peu désagréable. Oui, mais alors comment vous débloquez Mais attendez, mais je me rappelle que pour 100 fois moins, on dénonçait mon ego et tout ça. Non, voilà, tout ça, si vous voulez, laissons-le de côté. Vous payez votre perte d'influence, c'est ça que vous êtes en train de dire c'est évident. D'une certaine manière, si nous avions été plus forts, nous aurions été plus centraux et donc nous aurions été en état de proposer la fédération populaire partout. Que doit-on faire des élections municipales? Alors je vais d'abord vous dire une chose très nette, très claire. Regardez bien la bouche. Il n'y a pas de liste France Insoumise au municipal. Oui, ça, on a compris. Donc n'essayez pas de. Non, mais je dis ça parce que vos collègues, à chaque fois qu'il y a une querelle quelque part, on met Mélenchon dessus, comme ça, ça fait joli. Il n'y a pas de liste France Insoumise. Il y aura des insoumis dans des tas de listes. Il y en aura qui seront tête de liste. Comme La République En Marche, finalement. Mais je ne sais pas si c'est comme La République En Marche. Vous dites ça pour clarifier mon propos, j'en suis certain. Mais permettez-moi d'aller au moins jusqu'au bout, sans répondre à des questions qui ne se posent pas. Nous voulons que les élections municipales soient un franchissement dans l'auto-organisation des gens. Pourquoi? Parce que tout ce qui aura été gagné là, dans la prise de conscience au plus près du terrain, en matière d'écologie ou de République, alors, ça sera autant de gagner au moment de l'élection présidentielle. Justement, Jean-Luc Mélenchon, à propos d'écologie. Qui, elle, sera l'élection déterminante pour le pays. À propos d'écologie. Hier soir, il y avait un meeting à Amiens qui était avec Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, et avec François Ruffin, qui est député de la France Insoumise. Tous les deux défendent un front populaire vert, écologiste. Est-ce que vous le défendez aussi, ce front? Bien sûr. D'abord parce que les deux, aussi bien Éric Piolle que François Ruffin, les deux ont voté avec moi aux élections présidentielles, donc ce sont des amis. François siège au groupe des Insoumis et il en est une des figures. Il n'y a pas de différence avec la France Insoumise. Bah, on dit la même chose, donc je n'ai pas inventé des différences pour faire. Donc le Front Populaire Écolo, ça vous va? Alors, oui, pourquoi pas. Moi, j'avais appelé ça Front Populaire, on m'a dit ça fait ringard. Alors j'ai dit Fédération Populaire, maintenant on appelle ça comme on veut, mais l'idée est la même. Il faut comprendre que l'écologie que nous avons adoptée depuis 2012, elle porte en elle le collectivisme. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il y a des biens communs, et donc que tous les êtres humains en dépendent et qu'ils sont semblables. Donc, grâce à l'écologie, on refait vivre l'idée du commun, du collectif, et de la civilité. Une dernière question, Nathalie. Une dernière question, on en a beaucoup parlé cette semaine. Thomas Guénolé, ancien cadre de la France Insoumise, prétend que vous avez un fonctionnement dictatorial, il n'est pas le seul. Qu'est-ce que vous dites à ces accusations récurrentes? Rien, c'est un égout. Tous les ans, il y a un livre qui sort pour me traîner dans la boue. Comment voulez-vous que j'ai le temps d'être le dictateur que décrivent des gens qui ont été nommés par personne, qui ont été élus par personne et qui me critiquent? Bon, que voulez-vous que je fasse? Je n'y peux rien. Merci. Il faut savoir, on m'avait prévenu, on m'avait dit le jour où vous passez en première ligne, faut apprendre à supporter. Donc j'ai appris à supporter l'injure, la bassesse, la mesquinerie de cet homme qui se disait mon ami, qui a été mal placé aux élections européennes et a eu des problèmes avec une commission interne. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas qui c'est. Merci. Je ne peux pas m'occuper de lui. Merci Nathalie. Merci. bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Premier contact avec les Gilets jaunes, c'était fin novembre, début décembre de l'année dernière. On était en train d'enregistrer le quatrième album du groupe Magnitar, ça s'appelle Reviens, Esperanza, dans le sud de la France, à Sérignan plus exactement. Et donc là, on voyait partout, surtout au rond-point, et sur les tableaux de bord des voitures, du jaune. Et on passe une fois devant un rond-point qui était très fréquenté. Un soir, on passe deux fois, le deuxième soir. Et puis je dis, allez, je m'arrête, attiré par l'odeur de la palette qui brûle. On met le clignot, on sort de la bagnole. Et là, on va prendre l'angle, on va discuter avec les Gilets jaunes. On dit bonsoir, est-ce qu'on peut... Voilà, est-ce qu'on peut causer? J'ai vraiment pu me faire une idée sur ce qu'était ce mouvement. En tout cas, ce soir-là, sur ce rond-point, il y avait des précaires, il y avait des retraités, il y avait du personnel médical. Il y avait des punks à chiens. C'était extrêmement mélangé. Et j'ai tout de suite été troublé par l'incroyable degré de haine, de haine qu'il y avait à l'endroit de Macron. Ça m'a un peu effrayé. Ça m'a un peu effrayé, avec évidemment derrière des revendications, genre on est en dictature, enfin plus une constatation qu'une revendication, on est en dictature, Macron démission, mais enfin même pire que ça. Et puis j'avais besoin de... Donc j'ai demandé aux gens très rapidement, bon, j'ai compris pourquoi ils étaient là. Ils étaient là parce que c'était le début d'un mouvement contestataire qui très vite va devenir un mouvement de protestation sociale. Mais tout était déjà en place, c'est-à-dire la difficulté, voire l'impossibilité de s'en sortir quand tes marges à 1 250 € par mois, le problème des petites retraites, le problème du pouvoir d'achat, cette histoire d'hausse de taxes sur les carburants qui devaient soi-disant financer la transition écologique. J'en ris encore. J'en ris encore qu'on ait essayé, que le gouvernement Macron ait essayé de dire, voilà, vous comprenez, la planète ça va mal, donc vous, avec vos diesels, vous allez nous aider à faire en sorte qu'elle aille mieux. Rien que de l'énoncer, ça fait rire. Rien que de l'énoncer, ça fait rire. Comme si c'était à ceux qui allaient bosser, qui mettaient du gasoil dans leur bagnole, de payer la déforestation, l'utilisation des énergies fossiles. Enfin bref. Et donc là, j'ai voulu savoir politiquement, en fait, qui j'avais à faire, parce que la politique, ça me passionne, hein. Je suis un Français, et c'est un peuple très politique, la France, qu'on le veuille ou non. Et donc j'avais là des gens qui venaient, du PS, des déçus de La République En Marche, du Front National, des communistes, de la France Insoumise, enfin tout l'échiquier politique était représenté. Mais vraiment dans sa plus grande diversité, tout est là. Et donc on a discuté, on a déconné, on a fait du feu, on a chanté quelques chansons, on a fait des selfies. Et avant de partir, ils m'ont juste dit qu'ils avaient besoin de tout le monde, qu'ils avaient besoin d'aide, qu'ils avaient besoin que les gens rejoignent le mouvement. Et ça, c'était vraiment 15 jours après le début. Ce qui est marrant, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce qui est notable, c'est que quelques mois auparavant, j'avais suivi les 33 jours de grève à la SNCF quand le gouvernement a imposé le pacte ferroviaire. Et là, je dois dire que j'ai mesuré le désespoir de ces gens qui luttaient devant le peu d'intérêt que leur lutte suscitait. Et je me souviens encore de ce discours du Premier ministre, Édouard Philippe, qui avait dit « Pour faire passer ma loi, je compte sur les égoïsmes individuels. » Et donc, après ce conflit-là, après cette grève-là, après cet échec, je me suis dit, bah ça y est, c'est cuit. C'est-à-dire que on est mûr et qu'ils vont nous la mettre bien profond. Voilà. Et quelle n'a pas été ma surprise quelques mois après de voir que là, sur une histoire d'augmentation des carburants, ça pète, ça part. Ça part et ça se développe d'une façon absolument incroyable. Incroyable. Alors que 6 mois avant, il y avait déjà une opportunité pour que ça pète, pour que les gens se réveillent. Enfin, non, c'était pas ce moment-là. C'était donc le 17 novembre 2018. J'étais assez surpris. Oui, j'étais assez surpris pour reprendre ta question. Moi qui suis passionné de politique, qui observe évidemment les mouvements sociaux, les protestations, d'où qu'elles viennent, j'ai été assez surpris de voir que ça revenait tous les samedis et de plus en plus fort. Les Gilets jaunes n'ont pas rien obtenu. Concrètement, en espèces sonnantes et trébuchantes, ils ont quand même fait lâcher 11 milliards. D'un coup. D'un coup. C'est pas rien. Donc on peut pas dire qu'ils n'ont rien obtenu. De ce côté-là, je dis pas qu'ils ont obtenu satisfaction, mais Macron, il a lâché quand même. Il a lâché. Alors, ces 11 milliards, c'est toujours pareil, c'est nous qui allons les payer. C'est pas le 440, c'est pas Bernard Arnault, c'est pas les plus grosses fortunes de France. On va pas encore chercher l'argent là où il faudrait le chercher, mais c'est quand même pas négligeable. Numéro 1. Numéro 2, ce qu'ils ont entre autres obtenu aussi, les Gilets jaunes, c'est ce sentiment qui est assez délicieux, c'est qu'ils ont mis la panique au ministère et à l'Élysée, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont l'arrêt des faits sans sueur. Il n'y a eu qu'un préfet qui a été lourdé ou déplacé, je peux te dire qu'ils se préparent sans doute des nuits agitées là-bas. C'est-à-dire que pour que l'ordre soit donné par le ministère de l'Intérieur aux forces de l'ordre en leur disant lâchez-vous, vous serez couverts, c'est que vraiment ils sont au bout du rouleau, quoi. C'est-à-dire que mater ce qu'on peut bien employer ce mot-là, mater cette insurrection ou cette protestation, parce que l'insurrection, je dis ça, je vais peut-être aller en taule. Alors cette protestation dans une violence absolument inouïe, enfin c'est absolument incroyable, c'est incroyable. Je ne vais pas rappeler les chiffres ici, mais des dizaines d'amputés. Des dizaines d'amputés, des gens qui vont manifester, qui perdent un membre. Quoi. Enfin, c'est incroyable. Des éborgnés, Eh ben, pour qu'on en arrive là, il faut vraiment qu'ils aient chaud au cul, quoi. Donc ça fait partie des choses aussi qu'ils ont obtenues. Et puis, il y a aussi ce sentiment délicieux tout à l'heure à côté duquel je suis passé, c'est la popularité. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la bataille de la sympathie. Le mouvement est toujours extra. Pour 40% peut-être encore, 40% après 6 mois de mobilisation, le mouvement est encore populaire. Et ils ont vraiment allumé la mèche de la contestation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis le mouvement des Gilets jaunes, les gens, maintenant, ils ont on ne peut plus leur raconter d'histoire. C'est-à-dire que quand ils voient arriver les vilains à la télévision, ou quand ils les entendent à la radio, ils savent tout de suite. Ils savent tout de suite à qui ils ont affaire. Donc tout ça, ça fait quand même pas mal de points positifs, sans oublier le fait que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, hein, mais mon sentiment à moi, c'est qu'il y a eu une évolution du corpus idéologique dans l'esprit des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on est, ils sont partis de « ouais, l'essence c'est trop cher, le gasoil c'est trop cher », et pour en arriver très vite à des revendications qui sont quand même politiquement beaucoup plus étayées. L'augmentation du SMIC, c'est venu très vite. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est venu très vite. Cette volonté de reprendre en main le destin politique de chacun d'entre nous, c'est venu très vite. La réindexation du SMIG, l'abolition de la CSG, le retour de l'ISF, et y compris des préoccupations écologiques. C'est-à-dire que ce en quoi moi j'ai cru très, très, très tôt, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, ces gens qui se voient tous les week-ends sur les ronds-points et ailleurs, mais surtout sur les ronds-points, ils ont gagné une fraternité. Ils ont retrouvé leur dignité, ils ont retrouvé de la fraternité, et cette intelligence du cœur fait que les échanges entre les hommes et les femmes, avec une spéciale dédicace pour les femmes qui étaient très présentes et depuis le début sur les ronds-points, et ça c'est la chance des Gilets jaunes, c'est d'avoir eu des mamans qui sont venues tout de suite sur le motif, bah, ça a fait que aujourd'hui, personnellement, je souscris à 80% des revendications des Gilets jaunes. Moi, comme 40 ou 50% des Français. Donc au final, c'est vrai que le Kennedy de Maubeuge, il est toujours accroché à son pouvoir, mais pour combien de temps? C'est-à-dire qu'il était quand même extrêmement fragilisé. C'est pourquoi, il me semble indispensable, mais vraiment, hein, il faut se bouger le cul, c'est maintenant, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut manifester, c'est maintenant qu'il faut aller faire du bruit devant les commissariats quand il y a des journalistes ou des représentants syndicaux ou des représentants des associations qui sont en garde à vue ou même qui vont jusqu'au procès. Il faut le faire maintenant. La semaine prochaine, dans 2 mois, ça sera trop tard. Donc là, il faut vraiment se mobiliser, il ne faut rien laisser passer. Ce que j'espère, moi, c'est que les Français qui, jusqu'alors, les 40 ou 50, voire 60% qui étaient pour le mouvement des Gilets jaunes, souvent par procuration, ben, ils rentrent maintenant activement. Il y a toujours une façon de continuer le mouvement. Voilà, c'est. Alors, ça peut être François Ruffin. Il est d'accord pour vous filer la moitié de son film que vous pouvez projeter sur un rond-point. Il faut continuer à se mobiliser, continuer à échanger, etc. Il faut pas relâcher la pression, effectivement. En fait, non. Ça pourrait me donner envie de pleurer, ta question. En fait, je me dis, mais pourquoi tous mes potes, toutes mes copines, ceux que je connais, que j'ai rencontrés sur des tournages, au théâtre, etc., ben, il ne l'est pas ramené. Alors, j'ai deux plusieurs possibilités d'explication. La première, c'est que il y a là, dans cette catégorie socio-professionnelle, comme partout ailleurs dans la société, une dépolitisation des esprits absolument majeure. C'est-à-dire que le temps des Picasso, Renoir, Yves Montand, Signoret, Reggiani, Jean Ferrat, Ferret, Brel, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est-à-dire des artistes comme Gréco, des artistes engagés comme ça, il y en a. Ben, c'était la génération de nos aînés, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et donc, comme dans beaucoup de domaines de la société, eh ben, la politique, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Et ils sont alors, soit ils n'ont pas de conscience politique, soit... ça peut revenir, ça. Hein. Il suffit de lire Victor Hugo et Aragon, et ça peut s'arranger. Ou ne serait-ce que de, je sais pas moi, d'aller un samedi dans la rue avec les Gilets jaunes pour parler avec eux. Soit le monde on va dire le monde du spectacle. Il n'échappe pas à la règle de l'ultralibéralisme qui règne dans tous les domaines de la société aujourd'hui. C'est-à-dire, tu veux travailler, t'es un précaire. On est des intermittents du spectacle. Des fois on travaille, des fois on travaille pas. Tu veux travailler plus souvent, ferme juste bien ta gueule. La ramène pas trop. Voilà. Et puis alors ceux qui ont pignon sur rue, alors eux ils sont impardonnables. De ne pas s'être levés, de ne pas avoir dit « moi, je comprends les gilets jaunes », eux, ils sont impardonnables. Et surtout, ceux qui ont dit « je ne comprends pas ce mouvement-là », alors autant je les soutenais au début, mais maintenant c'est trop violent. Alors eux, c'est le pire. Eux, c'est le pire, parce qu'ils se trompent. Ils se trompent. Qui peut être contre les gilets jaunes ? Qui peut être contre davantage de droits pour les travailleurs ? Qui peut être contre davantage de droits pour les retraités ? Qui peut être contre davantage de droits pour les précaires ? Qui peut se ranger du côté du plus fort en crachant sur la gueule de ceux qui ont des difficultés ? Qui ? C'est fou, ça. J'arrive pas à comprendre. Mais c'était comme les partis, enfin ceux qui étaient contre le mariage pour tous. Comment on peut être ça m'échappe. Comment lutter ? Mais moi, je crois que c'est tout simple. Je crois que c'est tout simple et ça passe par là. Ça passe par, eh ben, tu vas manifester le samedi avec les gilets jaunes. Et voilà, déjà, rien que ça, tu passes sur un rond-point, tu vas apporter un casse-croûte, tu vas discuter, tu vas chanter une chanson, tu vas faire un petit sketch, tu vas te mettre au merguez, voilà. Ça, c'est tout simple. En plus, la demande qu'il y avait à ce niveau-là, c'est très fort, quoi. C'est très fort, c'est-à-dire que quand tu penses, aux artistes, j'ai du mal à employer ce mot, hein, mais aux gens qui sont dans les enfoirés. Mais comment c'est possible ? Sur les ronds-points, des posters de Coluche, des Coluche revient, des Coluche, quel est ton successeur, Coluche, t'es où ? Du paradis, envoie-nous tes meilleures pensées. Comment c'est possible que ces gens-là soient allés tranquillement faire de la télévision, chantonner, faire un sketch, sans dire au fait, je soutiens les gilets jaunes. Quelle honte. Alors après, évidemment, on peut se réfugier derrière, ils peuvent se réfugier, ils pensent se réfugier derrière. « Ah, mais moi, je ne fais pas de politique. » Non, non, c'est que tu t'en bats les couilles, quoi, mais reconnais-le. Voilà, au moins Berléand, il a été clair. Au moins Mathilde Seigné, elle a été claire. Comment l'autre, là, je oublie son prénom à chaque fois, l'autre, celui qui a dit « Ouais, bon, on va faire quelque chose pour les copains. » Enfin bref, et qui est revenu, mais quel idiot. Il est revenu en disant non, mais finalement je me retire. Non, putain. Enfin bref, là les noms me manquent, mais il y a quand même Guédiguian, Ascaride, Balasco, comment dirais-je, Lalanne, Xavier Beauvois. Il y en a quand même plein qui se sont bougés. Emmanuel Béart. Ah, la jolie brune, là. Oscarisée et tout, quand même. Ah ! Française ? Oui, oui. Juliette Binoche. Bon, pardon, Juliette. Et puis, il y a aussi beaucoup de... Et puis tous les techos, et puis tous les réalisateurs, et puis tous les metteurs en scène de théâtre, Jean-Luc Moreau, ça me revient maintenant. Voilà, il y en a quand même qui sont sortis du bois. Pour moi, les choses, elles seront depuis ce mouvement-là. Elles seront jamais plus comme avant. Depuis ce 17 novembre. Donc ce mouvement, parce qu'il a initié, par le fait d'avoir amené tant d'hommes et de femmes à se rencontrer sur les ronds-points et d'avoir pu échanger, rire et aussi pleurer sans doute, espérer, ça c'est une petite graine. C'est une petite graine et Ça va pousser, Inch'Allah. La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, le 5 décembre, nous manifesterons. Nous manifesterons car tout le peuple français a intérêt au retrait de votre réforme des retraites. Nous manifesterons car la retraite est un outrage de la vie qu'il faut cajoler et non pas une équation à régler sur un coin de table. Nous manifesterons car le système par points ne corrigera rien des inégalités d'espérance de vie entre le cadre et l'ouvrier, entre le riche et le pauvre. Nous manifesterons car ni l'universalité ni la lisibilité ne sauraient justifier une harmonisation par le bas qui rendrait la vie plus dure. Nous manifesterons car nous refusons la division du peuple français que vous visez en agitant les régimes spéciaux qui ne concernent pourtant que 3% de la population active. Nous manifesterons car il est vain d'exiger des Français qu'ils travaillent plus longtemps alors qu'à l'âge de partir en retraite, un actif sur deux n'est déjà plus en emploi. Nous manifesterons car votre intention réelle n'est pas d'améliorer la vie mais de faire des économies sur le dos des futurs retraités de ce pays. Nous manifesterons car en choisissant de plafonner à 14% la part des retraites dans le produit intérieur brut, alors que la part des seniors dans la population va continuer d'augmenter, vous allez baisser les pensions ou obliger les Français à travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Nous manifesterons car nous comprenons ce que signifie la satisfaction des assureurs et des banques à l'idée de voir votre réforme s'appliquer. Nous manifesterons car nous savons qu'il est possible de financer d'autres choix. La liberté de partir à un âge où l'on n'est pas cassé par le travail, dès 60 ans, avec un niveau de pension digne. Nous manifesterons, et c'est votre rôle que de permettre au peuple français de le faire en toute sécurité, sans fracturer le pays ou trier les Français en permettant que des représentants de l'État se déclarent comme étant dans un camp adverse. Le 5 décembre, nous manifesterons sur cette réforme. Êtes-vous prêts à battre en retraite ? Président, Madame la Ministre du Travail, le chômage tue. Loin d'être volontaire, le chômage est d'abord une pénurie d'emplois, aux graves conséquences sociales. Chaque année, le chômage tue 14 000 personnes en France. Le chômage, ce sont des couples qui se défont, des inégalités qui se reproduisent, des foyers qui s'appauvrissent. Et il faut aussi rappeler qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Vous êtes à mi-mandat et depuis le début du quinquennat, les 0,1% les plus riches ont gagné en moyenne 23 000 euros de plus par an, pendant que la pauvreté atteignait un niveau record de 14,7%, mais cela ne semble pas vous suffire. Ce matin encore, sur une grande antenne, vous avez osé dire, sans vergogne, que votre réforme de l'assurance chômage poursuivait l'objectif de lutter contre la précarité. Quelle honte ! Quelle honte ! Alors que la modification des règles de calcul et d'accès à l'indemnisation va appauvrir de nombreux chômeurs et empêcher beaucoup d'autres d'accéder à l'indemnisation. Madame la ministre, il n'y a pas de lien entre le niveau de l'indemnisation et le chômage. Sinon, comment expliquer que c'est à l'époque où l'indemnisation était au plus haut dans notre pays que le chômage était au plus bas ? Vous parlez souvent des quelques centaines de milliers d'emplois non pourvus, mais oubliez de dire qu'à Pôle emploi, il y a environ un emploi non pourvu pour 100 chômeurs disponibles. Les chiffres, les statistiques ne parviennent pas à masquer la réalité sociale, celle d'une pénurie d'activités pérennes et d'un travail toujours plus précaire. 87% des embauches se font en contrat court et beaucoup de moins d'un jour. Savez-vous la vie que l'on mène quand le travail est à ce point précaire ? Puisque j'ai cru comprendre que les quotas étaient à la mode, pourquoi ne pas instaurer des quotas modulables sur le recours aux contrats courts ? Si vous manquez d'imagination, Madame la Ministre, pour lutter véritablement contre le chômage, nous sommes disponibles. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. jusqu'à mon bras. Maman, tu m'aimes ton la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. Lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, toi tu es l'or. Thank you.